Voilà le son des Black Eyed Peas à l'instant avec The Time. C'est un son que vous aviez découvert vendredi. On vous avait passé ça pour la première fois à 20h et il y a Hugues qui dit que, ouais, depuis que j'ai donné l'âge, hein, de Tania qui dit rencontrons-nous et nous battons. Attends, c'est quoi? Et battons ton record. Voilà, c'est ça. Parce que comme elle a dit que tout à l'heure, elle avait jamais réussi à tenir plus d'un mois avec le même mec. Hugues qui se propose gentiment. Quelle gentillesse. Il a raison, quand même, Hugues. Mais quelle gentillesse. Il est trop mignon, Hugues. Hugues, pourquoi? C'est parce qu'il y a un petit nounours en ouais, dessin. Ouais, il met trop des petits trucs gentils. Non, c'est vrai qu'il est un mec cool. Bon, on le connaît pas personnellement, mais il est très gentil avec nous. Hugues, t'as deux touches, fonce. C'est lequel, Hugues? Ouais, vas-y direct. Vas-y direct. Aurore qui dit, j'ai pas de mec ou un. Bah oui, c'est pas grave, t'inquiète pas, genre. T'es pas la seule, ma chérie. Et Clémence qui dit, ça part en n'importe quoi, mais non, pas du tout. On parlait justement des moments où vous avez peut-être galéré aussi avec papa, maman, frères et sœurs, quand ils ont donné leurs avis sur votre copain ou votre copine. Ça s'est bien ou mal passé. Et nous avons Nesli qui est avec nous maintenant. Salut Nesli. Salut. Comment ça va? Salut. Comment vous? Bah écoute, ça va aussi, Nesli, hein, ça va tranquille. Bon, vacances, non, bon alors, pas... tu dis? Les vacances, donc ça va. Ah ouais, t'es en vacances. Tu peux couper ta radio, Nesli, ou je sais pas si t'as, oui, si t'as le PC qui tourne, quelque chose, d'accord, très oui, bien. Oui, le PC, c'est ça. Nickel, alors maintenant on sera au top. Alors, comment ça se passe toi, Nesli? T'as quel âge, t'es dans quelle ville déjà? 15 ans, avec Padre, on s'est perdu. Dans un bled perdu, oui, effectivement. Hein, d'ailleurs, on connaît pas, hein, pour tout te dire. Bon, alors, comment ça se passe? Donc, Nesli, tu voulais réagir par rapport aux beaux-parents, toi. Alors, tu voulais réagir par rapport à quoi? Au moment où toi, tu amènes un mec et c'est tes parents qui le vivent mal, enfin, qui le défoncent, ou alors c'est toi qui es dans une belle famille, entre guillemets, et tu te fais éventuellement défoncer? En fait, c'est pas par rapport aux beaux-parents, mais... Ah, c'est par rapport à quoi? Bah, c'est par rapport, en fait, j'ai ma meilleure amie, et en fait, il y a son mec qui veut sortir avec moi, donc... Ouh! Ah oui, d'accord. Et en fait... Bah, fonce, hein! C'est ta meilleure amie de... Mais... C'est ta meilleure amie de combien de temps? Comment? C'est ta meilleure amie de combien de temps? 4 ans, ça va faire, hein. Ça va faire 4 ans? Oui, 5 en 2011. 5 en 2011. Et tu te poses quoi comme question, là? Oh, c'est genre... Bah, non, en fait, le truc, c'est que quand ils sont sortis ensemble... Ma copine, elle a un peu fait... elle est sortie avec le meilleur pote de son copain. Mmh. Ah et oui. En fait, le truc, c'est que là, j'ai son ex qui veut sortir avec moi, mais je sais pas comment elle va le prendre. Parce que pas mal, hein, normalement. Hein. Bah, si tu te poses la question, c'est que c'est pas ta meilleure pote, quoi. Bah, si, non, mais en fait, elle est là à chaque fois à me dire... parce qu'en fait, elle veut ressortir aussi avec, mais... Elle veut tous, quoi. Compliqué. Ouais, elle est toujours là à me dire il est beau, j'ai encore envie de sortir avec, etc. Bon, bah alors fais-lui, mais fais qu'elle va mal le prendre. Non, mais sinon tu fais comme je conseille à chaque fois, tu sais, quand même quand t'es en kiff sur un mec mais que t'oses pas trop, tu fais la vanne. Non, tu lui fais la vanne, tu lui poses la question. Ah, mais non, mais non, mais justement, s'il a peur, parce que le problème c'est que sa meilleure amie va peut-être se dire ouais, t'es une salope, tu veux mon mec, machin, etc. Donc tu lui fais le coup de la vanne. Donc si elle veut pas, bon bah du coup tu fais marche arrière, tu dis ok, très bien, laisse tomber. Et si elle te dit bah ouais, bah vas-y, j'en ai rien à foutre, tu dis ah ouais, non, hop là, et après tu sais ce que c'est. Ouais, mais t'es pervers, Michael. Mais non, mais il faut réfléchir de manière intelligente. Non, moi je pense qu'il faut lui demander normal, quoi. Ah, Emilie est du style, elle est du style à vouloir que si son mec la trompe, qu'il lui dise. Ouais. Bah non, en fait, qu'il me trompe pas et qu'il me largue et qu'il aille voir ailleurs. Oh, quelle aigreur. Bah non, mais en fait, elle est comme ça. Tu préfères avoir une meuf qui te trompe et... Ah non, mais si elle me trompe, évidemment, si elle me trompe qu'une seule fois, je précise, hein, si jamais elle passe sa vie ailleurs, je préfère le savoir. Mais si c'est juste un accident, je veux pas le savoir, moi. Non, tant qu'il y a pas de sentiment, je préfère pas savoir. Maintenant, s'il vit une double vie, c'est pas possible. S'il est fou amoureux de sa maîtresse. Non, mais si c'est une double vie, je veux pas le savoir. Mais si c'est un one shot, un accident, pour peu importe la raison, mais si c'est arrivé qu'une seule fois et que ça n'arrivera plus après, je préfère pas le savoir. Qu'elle vienne pas me dire, oh voilà, je t'ai trompé. Bah si, ça peut arriver qu'une fois. Mais si, ça peut arriver qu'une fois. Qu'une fois à la fois, je veux dire. Non, mais c'est pas ça. Non, mais oui, ça peut arriver qu'une fois. Tu peux avoir fait ça. Après, ça peut arriver qu'une fois, mais avec une seule et même personne, mais plusieurs fois. Non, mais ça peut, oui, mais il y a plein de possibilités. C'est encore pire. C'est horrible, hein. Vous m'avez perdu, là. Ouais, bah, lui, il a largué directement. On peut pas tromper une personne 1000 fois. Non, arrêtons avec mais ça. Mais on peut. Non, mais est-ce que tu préfères que ta copine te trompe, par exemple, avec plusieurs personnes? Non, dans la plusieurs plus, je préfère qu'elle me trompe pas. Ou avec un seul mec. Et régulièrement. Je préfère rien. C'est pire. Le seul truc que je peux tolérer, c'est si elle m'a trompé une fois, que c'est un accident, qu'elle a arrêté, et basta. D'accord. Mais au-delà de ça, à un moment, elle va te faire enculer. Non, j'ai jamais fait ça. T'as jamais trompé? Non. Et t'as été trompé? Non. Ouais, une fois, ouais. Et tu l'as quitté? Ouais. Enfin, une fois à ton. Oui, bien sûr, ouais. Parce que c'était pas qu'une fois, Mickaël. On a le téléphone. Mais elle aussi appelle à témoin avec le beau-père de Mickaël. Non, mais peut-être, mais que je sache, c'est qu'une seule fois, et puis voilà, bon après, basta. Mais sinon, non, moi personnellement, j'ai jamais trompé. C'est un peu comme Mika, quoi. Ouais. Moi, je veux dire, c'est. Non, mais c'est vrai, la fidélité. Mais Mika, après, c'est... il s'en veut. Ouais, moi je suis Mika, il trompe, dans... mais parce Mika, qu'il Mika, vous êtes dans ma tête ou pas là? Oui, et dans ton corps. Dans ton quel bar, qui es-tu? T'es pas là. Non, vas-y, explique-toi. Non, mais c'est jamais bien de tromper quelqu'un. Moi, j'inciterai jamais à tromper quelqu'un. Mais tu le fais régulièrement. Non. Non, déjà, non, c'est mais pas ça t'arrive. Mais parce qu'il est victime de son cœur de chamallow là. Mais non, c'est pas. Oui, merci, c'est ça. C'est genre, il a le syndrome de Don Juan, tu vois. Il tombe amoureux, donc il trompe. Mais il a une bonne excuse parce qu'il est tombé amoureux. Oui, mais t'as la chance, le Mika, tu tombes amoureux très souvent. Non, je tombe pas amoureux très souvent. Ah, bah, comme dirait Benabar, comme on tombe d'une chaise. Oh, c'est quoi cette référence? Elle aurait pu employer Verlaine ou Rimbaud, Benabar. Hein. Tu me diras, c'est pas mal, elle aurait pu dire. Je peux vous citer Verlaine ou Rimbaud aussi, mais vous allez être perdu. Quoi. Non, mais sinon, non moi j'adore. Elle aurait pu dire To Be Free, tu vois. Comme disait To Be Free, partir un jour. Faut pouvoir le faire. Non, mais c'est pas bête, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, Benabar? Elle est en train de se mettre des doigts dans l'oreille. Je me gratte l'oreille. Enlève le bout de pomme que t'as sur la lèvre aussi, c'est dégueulasse. Non, je le laisse exprès. Oh, viens, je te l'enlève. Vas-y. C'est un bout de suie. À la langue. Oh, à la langue. Non, avec la langue. Ils vont le faire. À la langue. Oh, c'est dégueulasse. J'ai fait exprès pour qu'il m'embrasse. Le corps, il me reste de la pastèque. Il va te cracher dessus. Il a une... Avec ma salive, ça va tomber, tu vas voir. Ouais, j'ai vu moi aussi. J'ai Elle remarqué. Est mignonne, tu fais enfant sage. Ah oui, c'est vrai qu'il a changé la coiffure. Enfant sale. Non, c'est vrai qu'il a changé un peu la coiffure, le corps, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est maman qui a abolie, dans maman ton pantalon, venue, ouais. Hein. Ah, mais il a grossi, ça. Non, mais quoi? Vu de là, d'un coup, là, t'as l'air moulé dans ton pantalon, ça va, t'arrives à respirer. Traduction, tu as un énorme sexe. Non, t'as des énormes boules, mec. Non, mais il y en a quatre. Voilà, vous pouvez passer à autre chose. Tel un taureau. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc, Nestlé. Donc concrètement, moi, ce que je te conseille effectivement, c'est de le faire. Soit tu vas franco et tu dis à ta copine les choses, hein, c'est-à-dire que voilà, son mec actuellement, il est venu vers toi et que toi-même éventuellement tu serais intéressé. Soit tu le fais au coup de la vanne. Comment ça, le coup de la vanne? Eh ben, comme je dis, c'est-à-dire que tu lui dis les choses, tu lui dis voilà, écoute, moi je serais éventuellement intéressé par ton mec. Bon, si elle te dit, si tu vois qu'elle commence à chauffer, tu dis non mais ça va, c'est pour une vanne, si on peut plus rire. Bon, même si c'est pas très drôle, mais ça passera comme ça. et voilà, et donc c'est t'as plusieurs possibilités quoi. Sinon, sous-marin. C'est-à-dire sous-marin. Ah non, mais ça non. Comment perdre son ami en fait, hein. Sans le dire à son ami. Bah oui, bah comment la perdre? Ah bah non, mais non. Ça, je pourrais pas le faire. Non, non, et tu sais pourquoi le Corse? Parce que tout se sait un jour. Non, je suis pas trop sûr. Tout se sait. Non, ouais, je pourrais ne pas tout savoir, hein, mais. Tu non, sais qu'il y a un proverbe qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Non, mais tout se sait, il a raison. Tout se sait. Tout se sait un jour ou l'autre. Si. Un jour ou l'autre, tout se sait. Bah, vaut mieux pas pour moi, je te le dis. Bah, oui, mec, tu vas voir. C'est sur les gros dos, tu vas voir quand ça va arriver, mec. Tout se sait un jour ou l'autre. C'est pas la peine de cacher les dos. Il y a toujours un moment où ça sort, quoi. Et d'ailleurs, ta sextape, Mika, elle est énorme. Elle est dans téléchargement sur. Sur YouPorn. C'est tu rigoles, mais ce week-end. Mika sur YouPorn. Je suis pas l'abri de taper, tu sais que ça m'étonnerait pas de croiser un jour Mika sur YouPorn, je te le dis. Attends, YouPorn. Il s'appelle pas. Diego sur YouPorn. Moi, je vais taper. Mika mon Diego. Il fait Mika. Ça pour 5 balles. Eh oui, il y a du Mika, hein. Ta gueule. Non merde, c'est Mika là, regarde. Mika crawling to get her man. Oh, c'est parfait ça. Attends. Okay. Non, parce que là, il y a finger in Mika ass. Que dalle. Ah bah oui, tiens. Ah, ils ont doigté Mika. Eh oui, ça. Les doigts dans le cul de Mika. Oh merde. Ils étaient 4. Et t'as fait Emily aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'elle y soit aussi. J'y suis. Attends. Je vais taper. Oh, il y a Mika asiatique. Je vais taper dans YouPorn. C'est son cousin germain. Oula, Mika and Vanessa double orgasme. Oh, oh yeah. C'est dur. Je me fais appeler Vanessa sur YouPorn. Attends. Je vais taper. Aucun résultat pour le nom de famille de Cécile. Ah, il sinon j'ai très peur. Tu l'as. Moi j'ai Cécile dans les bois. Bah, c'est vrai. Et ouais, voilà, c'est ça. Parce que j'adore le grand méchant loup. Ouais, bah, okay. Ah, il y a et Cécile. Aussi les troncs d'arbres, hein, mais... Cécile, sex tapes, happy hour. Arrête, one. Merde, je m'en rappelle plus. Et il y a Emily, hein, là, par contre. Oh. Et là, regarde, s'il te plaît, hein. C'est tout, et là, c'est tout dans le boulard, hein. C'est tout dans le petit, là. Attends, parce que c'est Cécile Sextape Happy Hour 1, et puis après je tombe sur le Cécile Sextape Happy Hour 13. C'est la 13ème. Horrible, on dirait qu'elle mange une escalope. Mikaël, il y a Pierre dessus aussi ou pas? Pierre, attends, je sais pas. Oui, dis-lui, il rate. T'imagines, on est tous des acteurs parlants pour mauvaise blague. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est parti tout seul. Non, Pierre, il y a pas. Ah si, il y a Luigi et Pierre. Mauvaise blague. Il y a Luigi et Pierre. Mauvaise blague. Luigi et Pierre. Mais ça part tout seul le truc. Attends, et bon pour Pierre, il y a rien d'autre hein, malheureusement. Bon bah je me tape non, plus c'est quoi. Tout pour Pierre, c'est tout pour Pierre. Dur. Bon, Nestlé reste encore avec nous. Si vous avez des conseils à filer à Nestlé également, vous envoyez vos messages au 01 55 64 13 24 01 55 64 13 24 et on va s'envoyer. Qu'est-ce qu'on va se mettre Peter Lutz donc maintenant avec The Rain sur Goom Radio. Tous les soirs, on est là entre 20h et 23h sur Goom Radio. Si vous avez des conseils à donner à Nestlé, balancez vos messages toujours au 01 55 64 13 24. On récupérera Nestlé dans quelques instants. Et apparemment, il y a une étude hein, qui a été faite sur 4000 couples. Un quart d'entre eux dorment dans les lits séparés. Oula. C'est beaucoup hein, quand même. C'est improbable ça. Moi, je trouvais ça fort. Enfin, je trouvais ça énorme. Mais dans la même pièce. Oui, non, mais lits séparés. Non, mais ça arrive dans la même pièce. Non, c'est pas souvent quand on dit. Séparés, c'est chambre à part, ouais. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Moi, j'ai une de mes tantes qui fait ça. Vraiment, ça m'a fait halluciner. Et parce que parce qu'il ronfle. Non, rien à voir. Non, parce que c'est ce qu'il dit le plus souvent, c'est effectivement ronflement du conjoint. Ma mère, des fois, je la retrouve dans le lit de l'autre chambre et le matin, j'y vous êtes encore, vous êtes disputé. Toi, elle m'a dit non, il ronfle. Du coup, elle s'endort avec mon papa. Trop mignonne, je dis mon papa. Non, avec mon père. Et après, elle passe le reste de la nuit, des fois. Ailleurs, chez un autre homme. Chez le facteur. Chez le voisin. Non, quelle horreur. On sait jamais, hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, l'excuse qui revient le plus souvent, c'est effectivement à cause du ronflement. Et donc, trois quarts des personnes qui font chambre à part aujourd'hui s'en plaignent. Et donc, ça a été réalisé par une chaîne d'hôtels, en fait, à bas prix. On va pas citer le nom. En même temps, c'est pas noté, mais enfin j'imagine que ça va être Formule 1, oui. Ibis, Bonsaï, quoique Ibis, bas prix. Non, mais je comprends 90 euros la chambre, c'est pas bas prix. C'est quand même pas donné. Attends, là, ça veut dire quoi? C'est que c'est eux qui ont fait l'étude là? Ouais. Mais c'est normal, ils proposent que des chambres de merde. Mais non. Ah non, ils ont fait une étude, ils ont pas dit quand vous venez à l'hôtel et si vous faites chambre à part et en règle générale. Pourquoi ils feraient une étude chez les autres en fait? Parce qu'ils voulaient savoir, qu'est-ce que je sais moi. Ah, pour savoir si dans leur chambre d'hôtel ils allaient équiper les lits séparés ou pas peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Non, parce que je comprends pas pourquoi. Là, des connards d'hôteliers de merde, d'accord, des fils de pute là. Qu'est-ce qu'il a? Donc du coup, apparemment, donc sur la liste qui a été faite, donc le premier point, c'est effectivement le ronflement. Sinon, il y a aussi le fait que l'appropriation de la couette. Ça rend fou les gens. Ça c'est dingue. Quand le mec ou la meuf, il prend la couette, mais que pour lui. Pour avoir dormi avec Emily, elle prend toute la couette. Bah oui, c'est pour ça, elle est pour moi. Ça m'énerve. Et après, quand elle prend toute la couette et elle te monte dessus. Elle gueule quand tu la tires la couette, oui. Hein, pas Emily. Moi, ouais. C'est parce le coussin. Que là, elle sait se faire. J'ai jamais dormi avec toi. Arrête. Okay. Arrête, ta mère nous écoute. Alors, belle maman. Belle maman. J'ai jamais dormi avec mais toi. Non, mais jamais, je sais. Mais tu le m'as fait, laissé, t'es parti au bout de 5 minutes. Le pété, c'est que. Ah oui, moi, c'est vrai, ça en plus. Quand t'as une petite couette de merde. Et le truc c'est que moi je m'attrape je raconte toute ma vie là. Non mais ça m'intéresse, j'attrape le mal par la gorge, d'accord. Donc je veux toujours tirer ma couette en l'air là. Et quand je dors avec quelqu'un, généralement on se la garde pour soi. Et quand je me réveille la nuit que j'ai pas ma couette, j'attrape mal. Ah voilà, salut. Non mais moi par contre quand je me réveille la nuit que j'ai pas la couette mais je la retire, je m'en fous et c'est la guerre pendant la nuit à coups de poing et tout. Moi je suis trop vexée. La dernière fois j'ai dormi avec un pote. Donc homosexuel, puisque vous allez dire sinon je me le suis tapé. Et j'ai dormi avec lui et tout, on a trop rigolé, on a discuté, on s'est endormi. Et le lendemain il a envoyé un texto à un pote à nous. Ouais putain, hier j'ai dormi avec Emily en mode la meuf qui te vole toute la couette. Je me suis pelé le cul, c'était l'enfer, trop mauvaise nuit. J'étais trop vexée alors que moi j'avais passé une nuit trop rigolote. Non, t'es un peu insupportable toi. Non. Mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est vrai. Et lui il peut se permettre de dire ça. Non, parce que non. Pourquoi, non, t'as déjà dormi 15 fois avec elle? Non, rien à voir. Non, au moins deux, mais je me rappelle d'une quand il était sans abri, je le logeais. Voilà, c'est ça. Et je me rappelle d'une nuit, c'est à l'époque où il fumait plus. Elle vole vraiment tout le truc. Et Cécile ronfle. Mec, tu peux parler parce qu'on a l'impression qu'on dort à côté d'un sanglier quand on dort à côté non, de toi. Non, mais c'est pas un sanglier. Mec, c'est un bruit, franchement, que j'ai jamais entendu ce bruit-là. Je pense que même des instruments de musique ne peuvent pas ressortir. Et là, pour le coup, c'est vrai, c'est inhumain. Bah ouais, c'est incroyable. Et en plus, quand il dort, il est tout mou. Il est tout mou des mains et tout, des membres. Non, pas de tous les moments. Non, tu sais. J'ai dormi une fois à côté de Mika. Et c'est pas qu'il m'énervait tellement parce qu'il ronflait que du coup je voulais me marrer. Et là, c'est pas qu'il avait sa main. Tu sais, limite, il croit tout le temps que la personne qui est à côté de lui, c'est une meuf. Donc il veut l'enlacer. Ah. Donc limite, il voulait m'enlacer. Tu sais, en mode, je suis sa meuf. Et je lui dis, mais nique ta mère, mon frère. Alors que moi, il m'était des coups de pied. J'attends, mais je lui prends la main et je la lâche. Il reste en l'air. Non. Après, j'arrache, il retombe et on dirait un bras de squelette tout mou, tout léger. Et il est poilu. Tu en devais plus. Être trop mignon, Pierre, il devait enlever son bras. Casse-toi. C'est trop beau. Il y en a qui doit ronfler, à mon avis, c'est le Corse. Oh, lui, non. Oh, ça doit être mais bon, tu sais, tu ronfles quand t'es en surpoids, quand t'es vraiment fatigué et quand t'as un problème de cloison nasale comme Mika. Oui, mais tu sais que moi, je me suis disputée avec quelqu'un un jour pour ça, parce que je suis psychopathe de des gens qui font beaucoup de bruit quand ils dorment et tout. Je déteste ça. Et j'étais à côté d'un mec. Et la respiration très très forte d'un coup. Et donc je me contenais. C'était dans un hôtel, donc on avait deux grands lits. Ma pote elle dormait avec un mec et moi je dormais avec un autre mec. Et au bout d'un moment je réflexion. Et ma pote me dit sois cool avec lui. Enfin franchement là il va craquer parce que t'es vraiment dur quoi. Et au bout d'un moment je me suis levée, j'ai l'impression de dormir à côté d'un buffle. Tu me dégoûtes. Mais tu... Enfin j'étais vraiment horrible. Et du coup il a pris ses affaires, il est parti. Tu m'étonnes. Oh, non, moi je me contiens parce qu'il y a des moments. Enfin quand il y a trop de bruit, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà dormi dans la même piole que Toff ou Polo, etc. L'année dernière servi, quand on bougeait. Mais putain c'était horrible. Mais et il y a des moments où tu sais tu dors et déjà quand tu te réveilles par ça peut me mettre dans un état de nerf. Je suis très calme. Ah bah oui. Mais ça me met dans un état de nerf ce genre le ronflement. Et puis tu te dis allez c'est pas grave. Et puis tu sais ça se calme. Tu dis je vais vite essayer de m'endormir vite. Et au plus tu dis ça au moins t'arrives à dormir parce que tu dis il faut que j'ai plus que j'arrive à dormir pour plus longtemps. Donc tu dors pas. Et puis de nouveau au moment où tu commences à t'endormir c'est reparti. Tu dis ah. Et moi ça m'est déjà énervé. J'ai déjà pris des trucs. J'avais des coussins, tout ce qui était sur la table de nuit. J'ai balancé sur lui. Non, le mieux c'est un seau d'eau froid. L'eau froide. Et ouais, c'est... Bah, non, mais c'est pareil, il dort plus non plus. Donc, non, mais c'est le top. Moi, mon père, quand il était dans la chambre, derrière moi, il ronflait tellement fort, je mettais des coups de poing dans le mur, je disais, ta gueule! Je tapais dans le mur avec les poings, il n'entendait pas. Et je me mettais à pleurer et tout, parce que je travaillais tôt le lendemain, j'avais envie de chialer, c'était horrible. Et c'est horrible, les gens qui ronflent. Hein. Non, surtout moi, quand t'es enrhumé et tout, c'est dégueulasse. Ouais. Ou les bruits de bouche. Non, les bruits de bouche, et... moi, je fais des bruits, tout le monde pense que je fais des rêves. Toi, t'es non, tu es génie. C'est vrai, la dernière fois, elle dormait avec moi, elle faisait comme ça, elle faisait. Alors je me retourne, je dis est-ce que j'ai mis ma main dans sa culotte par inadvertance. Et du coup il se retourne et tu gémis mais t'as pas la tête de mais la tout meuf monde qui... me dit. Non, moi mais la nuit je frappe personne. Et je crie tout le monde, j'en d'un avec coup je pousse des cris. Tu sais pas pourquoi. Et sinon je file des coups de poing. C'est là, bon et... ça. Mais par contre ouais. C'est con mais pour Émilie si tu gémis et avec ton mec quand tu l'aimeras plus que tu vas t'endormir, il verra pas la différence. Ouais c'est bien ça. Il sera sur toi. Et pour revenir à la violence du corps. D'ailleurs, je m'endors tout le temps. Et j'étais somnambule aussi, putain, j'ai un gros souci. Moi, je suis somnambule et je crie, sinon je parle, mais dans des langues que personne comprend. Moi, j'ai fait de l'allemand, je parlais en allemand. Ouais. Moi, l'araméen. En quoi? En araméen. En araméen. Par contre, moi, j'avais une pote. Tu connais pas l'araméen? J'arrive pas à le dire. Ouais, dis-le, l'araméen. Mais il connaît pas. Bah c'est quoi l'araméen? L'arménien. C'est la langue. L'araméen. C'est une langue morte. Comme le début d'araignée. Ouais, l'araméen, enfin, c'est une langue morte. Seul Jésus parlait cette langue. Et moi, je la parle. C'est peut-être Jésus. Qui sait? Ça expliquerait les poils. C'est Jésus. Mais ton poteau est expliqué par quoi, mon cher Mika? Ah, moi, celui-là, il est régulier. Ouais, c'est ça, il revient de temps en temps. Leslie qui disait aussi, j'étais somnambule il y a quelques années. Marie qui dit, je ne ronfle pas, je parle pas souvent, mais ça arrive. Il y a Méline ici qui dit, moi aussi, je tapais contre les murs, mais quand il ronflait, il n'entendait rien. Bah, c'est ça. Et Anne-Laure, qui dit, le pire, c'est quand la personne est bourrée, il y a des nanas qui ronflent. Oui, c'est vrai. Attends, parce que Leslie, on l'a justement dans le standard à nous appeler pour elle dire, là, c'est pas grave. Leslie! C'est donc toi qui disais que t'étais somnambule. Oui, j'étais somnambule. Mais t'as fait quoi comme truc au niveau du somnambulisme? Je me réveillais dans la salle de bain. J'allais sortir une fois. Enfin, c'est chaud quand même. Tu sais, quand t'es somnambule, t'as peur d'aller dormir parce que tu te dis putain, où est-ce que je vais me réveiller demain? Ah voilà, c'est donc, clair. Je me réveille dans la salle de bain et c'était pas top. J'ai eu mal partout parce que j'étais dans une position à moitié en fait assise. Bizarre et à. Mais sinon, une fois, j'allais sortir dehors et on m'a rattrapé. Sinon, je sortais vraiment dehors en pyjama en plus. C'est ouf. Tu t'imagines, t'as une grande terrasse ou même un balcon. Je vais sortir et tu passes par-dessus. Mais il paraît que les somnambules, apparemment, ça leur arrive pas ce genre d'accident parce que ils sont endormis, mais ils savent quand même entre guillemets ce qu'ils font. Ils vont pas les jeter d'un pont. Ah, tu ne sais pas forcément. Mais il faut pas les réveiller. C'est ce qu'il dit. Après, j'en sais rien. Moi, j'ai pissé. Je me rappelle vite fait, mais après, je me rappelle en fait, je suis à moitié consciente, mais Moi, je me rappelle. Tu ne contrôles pas en fait, c'est tout seul, mais t'es à moitié consciente en fait. Ah oui. Et c'est horrible des fois. T'es conscient, mais en fait, pas totalement. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est chelou comme état. Puis... Moi, une fois, mes parents m'ont réveillé, je sais pas, 5-6 ans, et j'étais dans leur chambre, et dans la nuit, je m'étais levé. Je fais comme ça, et d'un coup, ma mère se réveille, fait qu'est-ce que tu fais? Et j'étais là, et je répondais pas du tout. En fait, j'étais debout et je pissais, j'étais à poil et je pissais sur la moquette. Non, dans ta chambre? Dans la chambre des parents. Oh, t'as des gros soucis. Donc, elle m'a chopé, ouais, en courant, genre, waouh, mon dieu! Elle m'a plaqué, elle m'a acheté dans la baignoire, s'il te plaît. Mais tu sais que ça, c'est souvent quand on est, après, quand t'es grand, normalement, t'as plus de problèmes de somnambulisme. C'est quand t'es enfant que t'as plein d'angoisse. Ah, moi j'en ai encore. Mais c'est vraiment parti, quoi. Et moi j'avais un pote, je vais vous dire, parce que on l'avait dit l'année dernière, c'était le roux en fait qui avait passé une soirée avec Sandra entre autres, et puis finalement ils ont dormi ensemble, et puis il était bourré, et puis en pleine nuit il s'est levé, il lui a pissé dessus. Oh mon dieu. Mais quoi, il s'est mis debout et tout, lui a pissé dessus. Oh mon dieu. Bon, il a fini la nuit par terre comme un chien, mais il s'est levé à moitié, tu sais, il s'est mis sur le lit, il était à genoux, il a mis sa teub et hop, il a commencé à pisser, quoi. Il a dû rêver qu'il était aux chiottes, je sais pas. Mais moi j'ai déjà fait ça, rêver que j'étais aux toilettes. Ah, moi aussi ça m'est arrivé quand j'étais petit, quand ouais. T'as trop envie de pisser, tu rêves que t'es sur les toilettes. Et puis tu sens un truc chaud, tu dis tiens, c'est bizarre. Non, si, une fois ou deux, mais je crois que moi, c'était parce que j'avais rêvé que j'étais aux toilettes, donc tu te lâches trop, t'es trop content, et en fait, après, tu te fais pire. Moi, j'ai fait pire, mais c'était horrible. C'était l'année dernière. Je me suis fait popo dessus. Caca dessus. Non, mais en fait, j'avais trop mal au ventre, je m'endors, et je devais elle me lever. Elle le dit normal, alors. Non, mais attends. Je me suis chié sur moi. Mais normal. Non, c'est pas ça. Je me suis levée 2-3 fois, après, j'en avais marre, je me suis endormie. Et d'un coup, je me remue un peu, et tu sais, je chantais un truc bizarre. Et t'avais quel âge? Je sais pas, 22 non. ans. Non, j'avais peut-être 12 ans. Ça, j'étais petite encore. Ouais. Et d'un coup, je regarde, et tu sais, je me dis, ah, mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemblait pas à du pipi, tu vois. Et en fait, c'était du caca. Et du coup, j'ai appelé ma maman, j'ai fait maman, ça m'est jamais arrivé. Je me suis fait caca. Elle me dit quand même à 12 ans, ma fille. Ça m'est jamais arrivé. Et du coup, j'ai mis des couches jusqu'à maintenant, quoi. Je les ai enlevées la semaine dernière. Écoute, remets-en, on sait jamais. Non, mais pour le coup, moi, ça m'est déjà arrivé une fois aussi, hein, de rêver que t'es sur les chiottes. Non, pas de me chier dessus, Dieu merci. Non, mais quand t'es sur, tu rêves d'être sur les chiottes, et puis effectivement, tu te réveilles au moment où tu dis, tiens, c'est marrant parce que je suis en train de pisser dans les chiottes, et pourtant, j'ai des sensations chaudes au niveau de la jambe. C'est ça. Et c'est là que tu te réveilles, tu dis, merde. Putain, mais bon, j'étais petit, hein, j'avais. Je crois que j'avais. Et là, on se regarde en même temps. Quoi? Et quand nous, les mecs, on jouit. On est d'accord? Vous avez déjà eu des jouissances nocturnes? Une fois, quand tu fais la carte de France. Et ma mère a dit, putain, mon fils, c'était fort, t'as fait le Finistère, la Franche-Comté. Et... Mais ça veut dire quoi? La carte de France. Ouais, c'est de l'histoire, c'est pas grave. Il y avait un des rois qui s'était réveillé, il avait joui sur lui, et t'avais un des convives, un des bouffons qui fait le roi a fait la carte de France, parce qu'il avait joui en fait, ouais, ça le dessinait comme voilà, bref. Et nous, chez les mecs, ça arrive. Et ça arrive très rarement, mais quand t'es jeune. Ouais. Et là, c'est très dur, parce que tu te dis, au début, tu t'es dit, mais merde, comment ça se fait que peut-être t'as la sensation de te faire sévice et tout. Et quoi, pendant ton sommeil? Mais ça vous gêne pas quand vous levez le matin avec la quiquette tout dure le matin? Vous n'êtes pas gêné avec vos parents? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, avoir ce qu'on appelle la gaule du matin. Bah. Parce que c'est pas la gaule, c'est juste parce que tu dois pisser, en fait. Ouais, t'es comme ça. Oui, mais bon, t'es bien. Non, mais c'est juste, ça n'a rien à voir avec l'excitation, hein. Ça n'a rien à voir avec l'excitation, c'est juste à cause du fait que tu dois pisser, en fait. La gaule du matin. Oui, c'est juste ça. Non mais oui, non mais l'information locale. Cela dit, une fois, moi ça m'est arrivé. J'étais chez ma famille. Mon Dieu, si elle m'écoute. Et une de mes tantes qui me réveille, qui fait bon, il est 13h, faut que tu te lèves maintenant. Et tu sais, quand la gaule du matin, elle veut pas redescendre. Ah, ça c'est trop. Tu la vois celle-là ou pas? Ouais. Celle qui dure 20-25 minutes là, où t'es comme ça, tu fais, je vais faire un goma, il y a tout le sang là-dedans, quoi. Ouais. J'ai plus de sang dans le corps. Et ben le truc, c'est qu'elle me fait bon, allez, sors et tout. Je fais non, je reste là. Non, il est tard et tout. Et d'un coup, elle prend la couette, s'il te plaît. Elle tient le mort. Et là, t'as le braquemar. Mais là, c'est dur parce que t'as ta tante, tes cousines, ton père et tout. Tu l'as, lui a crevé l'œil. C'est con que ça t'arrive pas le soir quand tu fais l'amour, ça. 20 minutes de... C'est mal fait la vie pour vous, les mecs. C'est con, le matin bon. Seul, tu te... C'est ça, ça reste, ça reste. Bon, allez, on revient dans un petit instant avec Nestlé. Donc, si vous avez des conseils à lui donner, allez-y. Et puis, bah, dites-nous aussi, tiens, si vous avez déjà fait avec votre mec, votre copine, chambre à part à cause du, à cause de bruit, de problèmes, d'emmerdes, etc. Bref, vous nous envoyez tout ça. On parle de tout ça dans un petit instant. On parlera des odeurs aussi dans quelques minutes. Et puis, on va s'écouter le son de Katy Perry maintenant. C'est le nouveau. C'est Firework sur Goom Radio. Goom Radio, 20h, 23h, vous lâchez vos messages. Et puis, nous allons parler d'odeur dans quelques instants. On parlera également avec Nestlé, donc, de son problème. Et puis, on va clôturer son problème puisque nous avons, a priori, je pense, trouvé quelques solutions. Et donc, avant de reparler avec Nestlé, nous allons maintenant faire la journée internationale. C'était vendredi, de la clinique vétérinaire. Exactement, des vétos maintenant. C'est parti, on appelle. Clinique vétérinaire, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, est-ce que le vétérinaire est là, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas encore arrivée. Ah d'accord, est-ce que vous pouvez noter un message là d'urgence? Ouais. Parce que je travaille aux eaux de Vincennes, notre équipe vétérinaire ne répond pas. Oui. Et en fait, on a eu deux grands singes qui se sont battus entre eux. Ouais. Et il y en a un qui souffle là et qui est en très mauvais état là. D'accord. Et il n'y en a pas d'autres qui se déplacent parce qu'elle, elle va pas pouvoir se déplacer quoi. Non, mais au moins déjà pour avoir les premiers soins. Ouais, parce que c'est quoi? C'est des plaies ou c'est vraiment. Alors c'est des plaies, on a un grand qu'on a appelé King Kong. Ouais. Qui s'est battu avec l'autre qui était plus petit, qu'on appelait Tarzan. Et les deux, ils sont fightés. Et vraiment, là, le pauvre, là, il y en a un qui suffoque. Le Tarzan, il est vraiment sur le bas-côté, là. Ouais, il est en état de choc aussi. Vous soignez les plaies à la bétadine déjà. D'accord, très bien, d'accord. Bétadine. Vous le laissez dans le calme, parce que c'est vrai que il faut qu'il se remette de ses émotions aussi, hein. Il a stressé, il a angoissé, donc il doit être en tachycardie, donc laissez-le au calme. Ouais. D'accord, et je vais lui en parler et je vous rappellerai. Il y a le King Kong qui veut vraiment finir Tarzan, hein. Oh là là. Bah ouais, tout ça au calme et qu'ils se remettent de leurs émotions et je demanderai au vétérinaire ce qu'il faut faire de plus, mais je crois que je vous ai tout dit là. Ouais, hein. Bon, alors donc séparés, ça on les a séparés. Maintenant c'est soigner les plaies avec de la bétadine. Voilà. Et éventuellement, bien sûr, on les remet pas tout de suite ensemble. Non, non, non, faut qu'ils se calment, faut qu'ils se remettent de leurs émotions là. Bon, parfait. Et vous savez pourquoi ils sont embrouillés en plus? Non. Ils sont embrouillés au sujet de Jane. Ouais, d'une femelle quoi. Ouais, d'une femelle. Et la Jane, elle a un petit peu émoustillé Tarzan. Tarzan, qui n'est pas en fait son ami, mais elle sortait plutôt avec King Kong, et King Kong l'a mal pris du coup. Mm-hmm. En fait, c'est vraiment les animaux, c'est comme les hommes, madame. Bah, c'est singe, ouais. Ouais, bah ouais, ouais, bah ouais. Bon, après, moi je pense pas qu'on descende des singes, mais il n'empêche qu'ils sont quand même bien battus entre eux. Mm-hmm. Bon bah mettez des plaies déjà avec la bétadine et D'accord, bah je vous remercie beaucoup en tout cas. Et c'est pareil. Voilà. Merci. Merci. Allez, beaucoup. Au revoir. King vétérinaire, bonjour. Oui, excusez-moi, c'était moi avec mon histoire de King Kong et de Tarzan. Ouais. Comment vous avez pu croire une histoire aussi débile? Bah écoutez, vous appelez chez un vétérinaire, donc nous on essaye de vous donner les meilleurs conseils. Ouais, mais faut vraiment être débile quand même pour faut pas avoir. Vous croyez que deux singes ne se battent pas? Mais c'est pas ça, mais l'histoire Tarzan, King Kong, Jane. Oui, bah on peut appeler. Vous savez, on a des chats qui s'appellent Julie, Tarzan et Patapouf, quoi. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, mais d'accord, mais directement vous êtes quand même tombé dans le panneau. Vous non, êtes quand même débile. Dans le panneau parce que vous voyez, j'ai parlé avec ma collègue. Donc maintenant, si vous avez le temps de faire des conneries dans le genre, et bah continuez. Ça, c'est super intéressant. Parlez leur temps aux assistantes et continuez. C'est super. Mais non, mais vous êtes quand même débile, hein. Vous savez que vous me dérangez pendant une chirurgie là? Ben c'est pas grave, opérez voilà. Ce que vous voulez. Mais hey, Chita, t'es débile, hein. Ouais, ouais, traite-moi de débile. Ou KTP ma boule. Qui con, va. Clinique vétérinaire, bonjour. Oui, excusez-moi, j'ai mon dragon qui refuse de cracher, de faire du feu. Bon, écoute, tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? Non, il veut plus voler, il veut plus rien faire. Ah ouais, t'as raison, ouais. Je m'en fous parce que ton numéro, il s'affiche, donc c'est cool parce que moi, je vais pouvoir aller chez les flics. Clinique vétérinaire, bonjour. Ouais, le Yeti refuse de quitter mon congélateur. Eh ben, c'est cool. Ben enferme-toi dans le congélateur avec lui, ça sera super bien, je pense. Non mais qu'est-ce que je peux lui dire? Je lui dis qu'il sorte ou comment ça se passe? Parce que là, il est en train de taper une discute avec le Grinch. Si t'as que ça à foutre de ta journée, eh ben putain, t'es vraiment un petit con, hein. Tu sentais la tension à la fin. Hein. Eh ben t'es vraiment qu'un petit con, hein. C'est énorme. On dirait qu'il a parlé à son petit frère. Bah c'était presque ça en même temps, hein. Ouais bon, j'étais quand même assez adulte dans le discours. Le Grinch. Le Grinch, mec. Ça non, le dragon. Hein. Ça reste à prouver. Bon, sinon j'ai une solution pour Mika. Enfin, ça y est, quelqu'un pense à lui. Ah. Pour ses odeurs de pied. Exactement, entre autres. Cool. Hein, c'est une solution qui a été trouvée par un Hollandais en fait, qui. Pour ceux qui ont des problèmes. Oh, sans ça. Ah putain, le corps a balancé sa chaussette. Il a balancé sa chaussette. Non mais attends, il a balancé sa chaussette, mais elle a surtout arrivé, elle a failli arriver sur moi. Non mais attends, non, j'ai tiré sur lui. Parce que ah, mec, j'ai tiré. Mais hop, en revanche d'une fois où tu m'as tiré la chaussette. Et balance, non, balance. Je vois les pieds du corps. Attends, amuse-toi, vas-y. Tu finis avec la chaussette. Dans l'arbre, dans l'arbre. Mickey balance la chaussette du corps dans l'arbre. Oh le salaud. Bon, oh, tu vas, d'ailleurs, tu vas aller me la récupérer, s'il te plaît. Vite fait. Je vois les pieds du Corse. Il a 4 doigts au lieu de 5. C'est horrible. Bon, Mika, c'est un Simpson. T'as vu? Elle est tombée, la chaussette. Tu sais loin. Que. Oh, mais non. Et pour de bon, je suis trop loin. Michael, Michael, il y a une étude qui a été faite comme quoi les êtres humains, d'ici quelques années, n'auront plus que 4 doigts de pied et oui, plus 5. Ouais. Parce que ça ne sert à rien, en fait. Putain, elle a pas raflé ma tête là. Putain! Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh putain! Oh là là là là! Ça... Oh là là! C'est pas moi! Ma chaussette pue vraiment! Hein. Ah ouais, là pour le coup, elle pue grave sa race! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein bah rien, coup de chaussette encore une fois, et du coup, là, hop là, il met la chaussette sur le. Il a frotté la chaussette sur le. Sur Cécile. Quelle horreur! Ça l'a peut-être un petit peu excité. Ah, mais quelle ça. Chaussette horrible! Ah. Mais non, mais les pieds du Corse, regardez-les! C'est surtout le pied du Corse qui il a des ongles, c'est des cutters! Ah. Ah, ça se coupe de temps en temps, hein! Non mais c'est vrai, il faut les couper de temps en temps. Bref, tout ça pour dire que donc la solution du site en fait, c'est un Hollandais qui a trouvé une solution donc qui pour ceux qui n'osent pas parler à leurs copains, leurs copines de leur odeur, que ce soit buccale, au niveau des parties intimes. Bah si c'est buccal, ça se sent direct. Hein. Ouais, non mais d'accord, mais tu peux ne pas leur dire. Ah oui, genre voilà, c'est ça, tu, ouais. Tu bues de la gueule, mais tu le dis pas. Voilà. Et donc là, il y a une solution pour ceux qui ont des problèmes d'odeur de pied, etc., etc. Et bien donc, comme il dit, tout le monde connaît quelqu'un de son entourage qui pue. C'est ce qui explique. Donc le mec qui a créé le site. Toutefois, il est difficile d'aborder le sujet. C'est souvent tabou. Face à ce constat, il a donc décidé de créer un site qui permet de dénoncer les malodorants. Oh ! Pour ça, il suffit d'aller s'inscrire, d'aller inscrire une personne sur son site internet, et la personne en fait reçoit un mail avec la solution à son problème. Oh, c'est-à-dire que si il ou elle pue des pieds, il reçoit un mail en disant bah voilà, pour arrêter de puer des pieds, quelqu'un pense que vous puez des pieds, pour arrêter de puer des pieds, vous devez faire ça ah, et genre, ça. Anonyme quoi, le truc. Ouais, c'est un truc anonyme. Ouais. C'est une dénonciation, mais sauf que exactement. Lui prend la responsabilité des. Voilà. Ah, c'est bon, de la dénonciation. Ça. Donc si vous voulez aller dessus, alors le site est en néerlandais pour l'instant, donc c'est pas facile. C'est smell-well.net. C'est bon ça, mon Mika sur toi un petit mail. Ah ouais, c'est vieux, bah je sais pas, il vient d'en parler là. Smell-well.net, il y a déjà plus de 100 000 personnes qui se sont inscrites depuis le mois de septembre. Inscrivez-moi. Et le mec est persuadé qu'il dit non, mais rassurez-vous, il y a 100 000 personnes, mais ce n'est pas que des plaisantins. Ah oui, voilà. D'accord, ouais. Genre, il y a des vrais gens qui. Bah, apparemment, je sais attends, pas. Attends, tu reçois un mail de ça, c'est très dur quand même. Tu te le prends, tu prends ta vérité dans la gueule, quoi. Ah bah, tu le prends en pleine tronche, c'est sûr. Et que... en plus, c'est un truc réfléchi, ça veut dire que les mecs, tu te reçois ça, mais tu sais que ton pote ou celui qui t'a dénoncé, il a réfléchi quand même. Ah avant, ouais, ouais. Comment faire, quoi. Tu vois, il a trouvé ce site. Exactement, mais et bon, démarche, en même temps, si tu pues, il y a un moment. Enfin, si je pue de quelque chose, il y a un moment, il. Je préfère qu'on me le dise, tu vois, gentiment, hein, t'es pas obligé de l'agresser le mec. Non mais déjà quand t'es pas con, à un moment donné, t'es pas obligé d'attendre que ce soit tes potes, quoi. Si t'es réfléchi, ben tu sais non, que tu ça dépend, toi-même. Ça dépend, parce que tu vois, tu peux faire par exemple pour les odeurs en dessous de bras, les odeurs de bouche, les odeurs de sexe, les odeurs de pieds, oh, les odeurs de flatulence ou encore la clope. Et par exemple pour le coup, je sais que pour pas dire tous, les fumeurs en général se rendent pas compte qu'ils ont une odeur de une haleine de merde. Ouais, pour le coup de la clope, oui, c'est vrai. Tu me regardes sentent, bah tous ceux qui fument en règle générale, quoi. On pue tous. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui. Et du coup, elle pue des mains, elle a envie de vomir. Ouais, j'ai une odeur bizarre là demain. Parce qu'elle s'est renversée un petit peu à une verveine. De la verveine. C'est la chaussette du Corse. Mais peu. Oh, je crois que c'est ça. Et la chaussette, tu l'avais comme sur l'épaule. Hein. Oh, elle tu l'as encore sur l'épaule. On voit la trace d'ailleurs. Il est beau ton pull, Émilie. Je te l'ai pas dit aujourd'hui parce que je te parlais plus, mais je te l'ai dit. C'est une robe pull, ma chérie. Oui. Ouais, parce bah, que j'ai là, il est pourri parce que, avec la chaussette qui est tombée dessus, si tu veux. Voilà, c'était pour dire qu'il n'y a pas que Mika qui pue des pieds. Ouais, ah bah, merci pour cette information exceptionnelle. Ouais. Nous sommes au top de l'information. Merci, France Info. Je tiens à rétablir la vérité. Tout ceci n'est que du cinéma. Je ne sens absolument pas des pieds. C'est caduque. Si, quand tu mets tes chaussures blanches et noires, tu sens. Ah oui, ça donne. Non, mais il n'y a pas que celle-là. La dernière fois, il a mis ses belles chaussures. Mais je pense que Mika, c'est même pas une question. Ça vient pas de lui. Je pense qu'il est allergique à la matière des chaussures. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'il fait juste un 64 de pieds. Donc c'est normal qu'il ait. Il a des beaux. Ils sont mignons, les pieds de Mika. Ils sont grands. Non, ils sont pas. Franchement, l'autre jour, je regardais ses pieds quand il. Je suis beau, tout simplement. Non, le truc, c'est... Attends, c'est pas les pieds qu'on suce, donc partons de là. On ah non, mais moi, le mec, il a des sales pieds, ça peut me dégoûter. Vraiment. Mmh. Toi, t'es un gros pouce. Je peux faire les difficiles, la difficile. Moi, c'est une partie du corps que je déteste, c'est les pieds. Ah, mais on est deux, mon cher. C'est laid, ça me ressemble à rien, c'est moche. Enfin, c'est pratique que ce soit dans les chaussures la plupart du temps, quoi. Ouais, ouais, non, mais voilà. Est-ce qu'il y a un truc que je déteste aussi, c'est les tongs. Ah, c'est nul. Moi aussi. Nul. C'est le bruit des tongs m'énerve. Et le kéké boy en tongs. Ah, je pourrais les taper. Et même. Et les mecs ont les ongles de pieds longs. Oh ouais, ça aussi, j'ai une copine une fois, elle était en rencard avec un mec. J'envoie ça se passe bien. Elle m'envoie un texto. Je pense qu'il va m'entailler le mollet avec ses ongles de pied. Tu m'étonnes. Non, mais c'est clair. Raison, c'est le seul truc pour lequel c'est pratique, c'est quand effectivement tu vas à la plage. Pourquoi? Mais ça, bah parce que du coup t'es obligé de mettre des chaussettes, les chaussures, les machins. Des espadrilles, c'est mieux les tongs. Ouais, c'est moche. L'avantage avec les tongs, c'est que tu peux quand même marcher même dans l'eau, tu vois. Si tu veux, tu vois, c'est un truc de galette. C'est quand même bien. C'est quand même plus confortable que d'être pieds nus, tu vois. Bien sûr, mais après les tongs, par exemple quand tu marches dans le sable chaud, ben ça te protège de rien parce que t'as ton pied qui part toujours à gauche, à droite. Ouais, mais bon après ça reste. Moi j'ai un énorme pied qui ne rentre pas dans une tong. Voilà. Donc, mais est-ce que vous faites ça, vous, dès que vous arrivez à la plage, vous les mettez sous le sable? Moi c'est direct, tu enfouis moi. Moi aussi. On a mes pieds. À mes pieds, dès que j'arrive à la plage, je me mets des tongs de sable. Et moi, tout le corps, il y a que la tête qui sort. J'arrive, bing. Et encore, cache la tête plutôt. C'est con que tu gâches. Ça fait l'autruche plutôt, ouais. Fais trépied. C'est pas sympa. Essaye de marcher sur les mains ou pas. Je suis trop belle. Laissez-la tranquille. Ouais, on va pas s'en blâmer. Je me le dis, personne ne me le dit. Le corps sans tongs, ça doit être dur aussi. Bon, allez, on vient dans un petit instant avec Nesli. Comme promis, on s'envoie la pub derrière. On se met Far East Movement avec Like a G6. Tous les soirs, on est là entre 20h et 23h. Vous faites péter vos messages au 01 55 64 13 24 ou sur mikael.fr et puis vous pouvez également faire si vous voulez vos mails, ça arrive directement dans la boîte, donc c'est mikael@goomradio.com. retour avec Nesli pour terminer. Nesli, donc par rapport à ton problème dont tu nous as parlé tout à l'heure, Nesli nous avait appelé donc parce que elle a une copine, cette copine a un ex, cet ex est intéressé par Nesli et donc la copine plutôt serait malgré tout aussi encore intéressée par l'ex. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué, mais c'est bien ça, j'ai bien résumé la situation. Oui. C'est bien ça? Oui. Bon, donc comme je te le disais, écoute, les messages qu'on a eus sont plutôt allés effectivement dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire effectivement, soit t'y vas cash, t'es franche, tu dis à ta copine, écoute, voilà, c'est ton ex, moi il est venu vers moi, c'est vrai que il m'intéresse, est-ce que ça te dérange pas? Dis-lui bien, est-ce que ça te dérange pas? Si c'est vraiment ta copine et qu'elle en a plus rien à foutre, elle va dire non, vas-y, ouais, écoute, y a pas de souci. Si c'est vraiment une rageuse, elle va dire oui, ça me dérange, mais au moins tu lui auras demander si ça la dérange pas, tu vois. Il faut pas la mettre devant le fait accompli en disant voilà, bah je sors avec ton mec, je sais pas comment te le dire mais c'est fait, parce que elle aura l'impression qu'en fait t'en as rien à foutre de son avis et que au final t'en as rien à foutre, quoi. Alors que si tu lui dis voilà, écoute, je voudrais juste que vraiment ça te dérange pas parce que je tiens à toi, blablabla blablabla, enfin tu vois, tu mets les formes, ouais, tu mets les formes, quoi, tu vois ce que je veux dire, ouais. Donc je disais cache, quoi. Donc ouais, bah oui. Ouais, donc tu vas cash, ouais. Ou alors tu le fais à l'humour, comme je le disais tout à l'heure aussi, ouais. Est-ce que toi t'as des sentiments, enfin tu l'aimes bien ou c'est juste parce qu'il te plaît, quoi? Parce que si c'est ça, si c'est juste un c'est délire, pas, c'est pas des sentiments, mais ce sera plus de l'attirance que des, enfin là au début c'est plus de l'attirance que des sentiments. Des sentiments peut-être après par la suite, pourquoi pas, mais ah, mais si tu sens pas qu'il y a un truc qui peut marcher ou quoi, ça sert peut-être à rien de te brouiller, quoi. D'accord. C'est attirant, on va dire maintenant, mais c'est un peu chaud en fait. Donc, est-ce que tu t'en veux, non? Hein? Tu t'en veux un peu? Oui, quand même un peu, parce que bon, en même temps, je me dis qu'elle, quand elle sortait avec, elle lui a fait le coup de sortir avec son pote. Ouais, elle s'en foutait, quoi. Ouais, voilà. Donc, je me dis d'un côté, voilà, quoi. Elle lui a fait le coup à lui. Mais après, ça va pas. Enfin, notre amitié sera pas. J'ai peur que notre amitié soit un peu. Mis en danger. Qu'on a voix, voilà, aussi, hein. Qu'on est assez proche et tout, et que ça casse tout, tu vois. Enfin, non, mais c'est normal que tu culpabilises parce que tu te fais un petit peu des idées peut-être sur cette relation que tu pouvais avoir avec lui, non? Tu te dis, si jamais je sors avec lui, peut-être que ça va bien se passer et tout, non? Tu penses à ça? Ah, si, oui, bah oui, on s'entend bien, on rigole et tout, on est bien, donc, je pense que ça pourrait partir un peu plus loin, et je le connais bien, je le connais très bien d'ailleurs, Mais pourquoi, pourquoi ça s'est cassé entre elle et lui? Parce qu'en fait, elle est sortie avec son pote et... Ah oui, voilà, oui, d'accord, ok. Elle est sortie avec son pote et elle a... Ouais, elle est sortie avec son pote et ils ont cassé, ils ont repris. Donc elle est sortie avec son pote. Le mec, il est un peu, on va dire, il est presque dégoûté un peu de la meuf, donc... voilà, ouais, donc ça va, donc c'est pas comme si c'était lui qui était parti, qu'elle était encore amoureuse. Oui, enfin, je veux dire, c'est quand même elle qui l'a trompé. Vas-y, donc il y a un moment, c'est quand même elle qui a foutu entre guillemets la merde. Donc pour le coup, Ouais, j'ai pas envie de faire un peu salope aussi. Non, mais pour le coup, c'est pas toi la salope. Mais... C'est-à-dire que tu vas voir un mec qui est libre, qui a été trahi par son ex-copine. Je veux dire, tu fais rien de mal, quoi. Enfin, pour le coup, moi, c'est ce que je pense, mais. Non, parce que moi, c'est pas du tout mon genre de manger les restes de mes copines. Hein. Ça, non, mais c'est pas les restes, c'est ce pour enfin, le coup, elle a été voir ailleurs, tant pis pour elle. Oh, voilà. Tape-toi-le, moi, je dis. Ça fait un peu bizarre aussi de me dire qu'ils ont été ensemble à un moment et qu'ils ont passé des moments ensemble. Donc, ça fait bizarre quand on y réfléchit à... Ça fait un peu bizarre, non, quand même, de se dire... Oui, ça fait bizarre aujourd'hui, voilà, mais bon, voilà, elle a décidé de prendre autre chose et puis basta, c'est tout, hein. Mais après, tu prends pas les restes. Quelquefois, des copines sortent avec des mecs, ça fonctionne pas. Et finalement, toi, tu sors avec ce même mec et c'est le grand amour. Ouais, c'est clair. Je sais que chez nous, à Marseille, ça se fait beaucoup. Ça fait un peu les feux de l'amour. Mais tout le monde est sorti avec tout le monde. Donc, tu pars en vacances avec ton ex, avec qui t'es resté 6-7 mois. Et au début, c'est un peu bizarre. Mais après, tu prends vite le pli et tu te dis, bon, j'ai vécu ça avec lui. À part si tu l'aimes encore, et là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais voilà. Si t'as plus aucun sentiment, si tu vas la voir et que tu lui expliques vraiment ton problème, mais si aujourd'hui tu souffres d'être séparé de ce mec et de pas pouvoir vivre ta relation pleinement, faut que tu lui en parles. Et si c'est ton ami, bah elle va se dire ben je veux les voir heureux et peut-être que ça fonctionnera mieux entre eux, quoi. Oh ouais, donc c'est avec elle, puis je vais voir les résultats, mais. Ah moi je dis vas-y hein, franchement en plus si c'est elle qui l'a largué, enfin tu vois si c'est elle qui l'a trompé, donc du coup ils sont ouais, ça. Un peu foutu tout en l'air, donc non mais voilà ça, ouais, donc t'as rien à perdre. Moi t'as mon conseil en tout cas, c'est celui-là, après tu fais comme tu veux hein, mais j'ai une question. Vas-y. Pour Mika, sur Facebook, c'est pour moi le message. Quoi? Toi c'est pour moi ou quel message de quoi tu parles? Mika, avec ton téléphone, t'es pas sur Facebook? Ah non, c'est à mon avis c'est un autre. À mon avis c'est un faux, ouais, parce qu'il est pas, son téléphone peut pas aller sur Facebook à mon avis. Mais oui, non. Là, moi mon téléphone sur Facebook maintenant. Non. C'est dur. Hein. Non. Ah là... oui, c'est quoi le message? C'est quoi le message? C'est quoi le message? Oui, c'est oui, c'est pour toi. Ouais, tape-le-toi, c'est ce que je te disais. Okay. Ah donc tu réagis aussi sur Facebook? Ouais. Ah c'est bon. D'accord. Ah non. D'accord, ok, très bien. Non, ouais. Je sais par rapport à un truc, ouais, mais ouais, c'est ça. Bah oui, tape-le-toi, ouais. Non mais vas-y, oui, t'as rien à perdre, hein, je te confirme. Il a trop eu peur d'avoir fait des avances à une meuf. Ouais. Oh merde, quel drame, ouais. C'est ça, qui ouais. Non, mais oui, bah oui, tape-le-toi. Ouais. Après. Bon, allez, salut Leslie, bonne chance, tiens-nous au courant, dès que tu l'as fait, tu nous dis. Hein. D'accord, bah je rappellerai quand... Avec plaisir. Quand... Ouais, ça marche. Bonne soirée, puis bon rétablissement encore une fois, Michael. Eh ben écoute, bah, ça va mieux là, hein, t'inquiète pas, et de toute façon je suis toujours à Cuba, donc je m'en fous, hein, tout va bien là. Non mais c'est vrai, tout va vraiment bien, ouais. Bon, salut Nestlé. Bonne soirée et merci encore. Allez, merci à toi. Ciao. Tiens, et qui aimerait bien se marier ici? Moi. À tout le monde. Non, j'en ai rien à foutre. Non, pas moi. Mais si. Ah, moi je veux des bébés avant le mariage. Ah oh, oui. Le mariage c'est moderne. Ouais. Oui. Moi c'est mon but premier, c'est d'avoir des enfants, et après si on me demande en mariage, c'est très cool, mais sinon c'est pas très grave. Voilà. Donc d'accord, il faut d'abord avoir les gosses. Attends, je prends non, note, je disais en fait. Non, je disais ça en fait parce que apparemment il y a un nouveau truc qui est sorti. Bon, c'était déjà il y a une bonne semaine. C'est que on peut opter maintenant pour, tu sais, on connaît les mariages à l'église, les mariages. Mariage blanc, tout ça, non? Ouais, enfin les mariages de tout n'importe quoi. Et bien dorénavant, quand vous avez passé toute votre enfance à aller chez Quick ou chez McDo, c'est pour la petite après-midi anniversaire avec tous tes potes, etc. Comment on appelle ça d'ailleurs? Ils appellent ça un McBirthday ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Les birthday. Ah putain. Birthday. Ce que tu avais dit. McBirthday. Tu sais que je l'ai fait ça. J'ai visité les cuisines. Oh, Ronald McDonald faisait la visite et après on a tous mangé. C'était trop bien. Gâteau après. Et après t'as coincé dans les toilettes. Quelle horreur. Il t'a fait goûter son Happy Meal, c'est ça? J'ai peur. Bon, et donc du coup ils ont décidé. Et c'était ça le mec, le clown Fabel, il est revenu. Du coup ils ont décidé maintenant de faire le Mac Wedding. Et donc c'est ah des. Oui, j'ai vu. Ouais, les jeunes mariés donc fanatiques de fast-food pourront avec leurs invités profiter d'un buffet de hamburgers, un gâteau qui est également prévu dans le forfait nuptial. Et donc on, ça dépend évidemment au niveau du coût, on sait pas encore, ça dépendra de combien de personnes seront dedans. Et je vais peut-être me marier du coup. Ah bah dans le McDo. Donc deux inconvénients. Pas d'alcool dans le McDo, ça ils peuvent pas le faire. Et puis l'établissement restera ouvert au public pendant les festivités. Donc. Oh, c'est dur. Ah bah ouais, bah ils vont pas fermer le McDo pour ta gueule. Le type est complètement cinglé et s'il amène sa femme faire le mariage au McDo. Bah ouais, mais bon, écoutez, après il y en a qui aiment bien le côté un peu particulier. Hein. Ouais, mais bon, là, c'est une blague. Et je préfère qu'il m'emmène un barbecue avec des merguez et des saucisses. Ah ouais, mais bon. Bah oui, donc pour l'instant, c'est que à Hong Kong, hein, c'est le seul endroit de la planète où il y a le Mac Wedding. Ouais, bah, mais qui reste à Hong Kong, je te le dis. Non, ça y est, il est parti, oh, il gueule. Et qui reste là, bah, tu m'entends bien. Dans le film, ça m'étonne pas cette histoire, dans le film Super Size Me. Je sais pas si vous l'avez vu à un moment donné où ils reviennent sur un couple qui se sont aimés, la première fois qu'ils se sont donné rencard, c'était au McDonald's. Et ils sont devenus obèses et tout, et ils retournent au McDo là. Tu te souviens, chérie, quand on a pris notre première frite géante frite et tout. Ouais, je m'en fais. Et le mec prend des litres de coca et des litres de coca. Et avec sa femme, triple cul et tout là. Oh, c'est super cul. C'est pas dans Marie à tout prix, ça, non? Non. Il était super fou quand même, ce film. Un documentaire sur les méfaits du. Tu sais, c'est un mec qui décide de bouffer McDo H24. Genre il se réveille en pleine nuit et tout, il devient super obèse avec du cholestérol, il a le cœur qui va s'arrêter. Dépendant, ouais. C'est un truc de fou. Ils mettent de l'antivomitif dedans, plein de choses comme ça et tout. Et tu te rends compte, plus les jours passent, plus il est fatigué, il devient un peu cardiaque. Et il fait veut plus monter les escaliers. Ouais, la dépendance, pour revenir à la dépendance, c'est vrai que on s'habitue. Tu sais, ce soir j'ai pas mangé de pizza et pourtant ça me manque. La pizza me manque. La pizza. Non, la pizza. Mais parce que ça, vous dites c'est en Belgique. Nous, on dit la pizza. Vous dites comment? Vous dites la pizza? Non, la pizza. Va en Italie. On est où là? C'est eux qui l'ont créé. On est où? On est en France. Bon, et on est en France, on dit la pizza. La pizza. Non, là, voilà, la pizza. Il le dit comme chez lui, mais après qu'un pour nous faire plaisir. La pizza. C'est bon. La pizza. La pizza, c'est bon. Non, tu sais pizza. Dire ça. Pizza. Za. Pizza. Tu sais pizza. Dire ça. Pizza. Non, pas pizza. Attends, tu sais dire ça. Za. Za. Tu sais dire pi. Oui. Pizza. Pizza. Tu dis que moi j'ai la mozza. La mozza. Toi aussi la mozza. Oui. Alors. Il dit la mode. La mode. La mode. Pas la mode. La mode, dit aucun lien. La mozza. La mozza. Tu veux dire la mozza? Mais t'es au restaurant. Une tomate mozza. Tomate moi, mozza. Je demande des pizzas au restaurant aussi. Hein. Et donc tu veux une pizza? Je voudrais une pizza. Une pizza. Non, une pizza. Parce que t'es corse, c'est normal. Bah, c'est pas grave, une pizza. Bon, les mains sont là. Mais My Chemical Romance, on aura. Oh, Elisabeth, juste après. My Chemical Romance, maintenant, avec des places à vous filer. Cette semaine, pour le concert de My Chemical Romance, qui aura lieu le 1er novembre, ce sera lundi prochain. Bah, pile poil dans une semaine, les My Chemical Romance concert. Et puis, on a aussi des places pour aller avec Jelali écouter en exclu total son nouvel album. Donc, de Jelali, c'est à gagner au 01 55 64 13 24. My Chemical, le nouveau single, maintenant, c'est Nanana. Goom Radio, tous les soirs, entre 20h et 23h, vos messages qui arrivent au 01 55 64 13 24. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? On va prendre Elisabeth dans un petit instant. Avant ça, petite question. Qui a un compte Twitter? Tout le monde ou pas? Ouais. Bon, moi, j'en ai pas. J'en ai, mais je m'en sers pas beaucoup parce que je comprends rien. Ouais, j'avoue que je suis un peu. J'en ai un aussi là. Il y a pas de monde qui following, qui follower, tout ce que tu veux, mais. J'ai un peu de mal à concevoir le concept. Autant Facebook, bon, tu comprends, c'est pratique, enfin, c'est, tu vois, c'est sympa parce que tu peux mettre des trucs, tu peux aller fouiller un petit peu. Autant Twitter, si t'es pas connecté au moment où le mec il poste un truc, c'est ça, bah, tu vois pas. Côté. Donc, je comprends pas trop le pourquoi les gens sont à fond, sont tellement à fond là-dessus, mais bon, après. Moi, je reçois que les mails comme quoi, tel me suit, tel m'a tweeté. Non, mais voilà, ouais. Mais sinon, moi, j'ai fait un lien sur le Facebook, donc quand je mets un truc sur le Facebook, ça arrive sur Twitter, comme ça, je suis tranquille. Ouais. Mais sinon, j'irai jamais dessus. Hein, mais alors, ça, faut faire gaffe parce que du coup, dès que tu mets un truc sur Facebook, mais n'importe quoi, ça spamme le Twitter. Mais c'est-à-dire que moi, on m'a juste insulté sur Twitter. Ah ouais? Ah, bah mec, et tout, parce que j'ai pas fait gaffe, mais mon Facebook étant relié aussi à d'autres trucs. Genre Foursquare là, je disais je suis à tel endroit, boum, ça m'était sur Facebook, sur Twitter, ça revient un peu plus quoi. C'est-à-dire on a rien à foutre que tu sois des chiottes quoi. Bon, et donc du coup maintenant il y a Twitter qui arrive mais pour les chiens. C'est-à-dire qu'en fait c'est Sony qui a décidé de permettre à votre chat ou votre chien de tweeter justement. Donc c'est des labos de recherche de Sony qui planchent sur cette possibilité. En fait il existe donc des caméras déjà qui permettent de savoir où est le chien et où est votre chat en fait tout simplement. Où est-ce qu'il est parti se promener pendant tout le temps, où est-ce qu'il a été, avec qui, avec quel autre chien ou quelle autre chienne, il a été se promener. Et donc apparemment, ils vont mettre un GPS et un accéléromètre sur sur le chien pour pister son parcours. Et donc de retour à la maison, hop, il va arriver. Le boîtier mouchard qui est sur le chien va transmettre en Bluetooth à un PC qui met à jour le profil Twitter du chien. C'est chiffon, tu vas être content. Ah bah c'est ça, on va le foutre sur le chien de Fredo. Ouais, ça peut aucun rapport, mais en parlant de Sony, j'en parlais hier avec mes compères. Tu t'as acheté un DVD Non, ils ont stoppé la fabrication, ça m'énerve beaucoup, mais des cassettes et des Walkman. C'est normal. Ouais, mais t'imagines, depuis 1984, c'est terminé, on pourra plus jamais trouver des cassettes. Mais non, mais et des attends, Walkman. Mais je me demande encore comment ça se fait qu'il n'ait pas pris cette décision plus tôt. Alors, déjà, oui, mais sachant qu'il y a. J'avais vu un truc comme quoi certaines, genre, maisons de disques ou de labels, mais genre, labels un peu underground, électro, machin, voulaient ressortir la cassette parce que c'est anti-piratage. Je peux pas pirater une cassette, en fait. Bah, si, tu peux la copier. Ouais, tu peux la copier, mais de. Mais c'est plus chiant, quoi. Ça coûte beaucoup plus cher de copier de la cassette au numérique. Tu vois, à la limite, tu fais cassette, mais bon. Mais ils auraient toujours inventé le son est pas bon, quoi. Ouais, le son est pas bon. Voilà. Laisse ta cassette un quart d'heure au soleil, tu vois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai des petites cassettes, tu sais, que tu mettais dans les caméras. Ouais. Est-ce que c'est possible de garder les images, les récupérer en les faisant Ouais, tu peux les mettre sur un DVD. Mais hein. Comment tu fais numériser. Ça Bah, tu dois avoir un ordinateur. Enfin, tu dois avoir un ordinateur avec une entrée et puis tu mets il faut que j'aille chez quelqu'un. Sur la télé directement. Moi, mon père, il est fait, il les vieilles caméras, il les met maintenant sur DVD. Et on a un DVD. Bah donc, voilà, demande au père du Corse. Non, mais moi, c'est des mini cassettes à l'époque. Eh oui, c'est pas grave. On a un DVD enregistreur, tu mets ton DVD, ton à CD dans le DVD enregistreur, tu branches ta caméra à la télé avec les petites cassettes. Tu pourras me le faire? Et comment ils font pour sauver tous les Walt Disney d'époque, là? Genre les Blanchet-Neige, les Aladdin. Tout est numérisé. Tout est numérisé. Ouais, ils se galèrent. Parce que t'avais de l'aluminium, je crois, ça pouvait être enflammable. Et tous les studios pouvaient prendre feu en deux secondes. Non, mais c'est surtout qu'en plus, il y a les bobines, ils mettaient de l'aluminium entre chelou, là. Et les pellicules entre guillemets, s'auto-détruisent. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que tous les contenus, français de la télé, mais même de l'ORTF, des premières images télé, etc., les premières émissions, genre c'est Lina qui fait ça je crois, ils numérisent tout le bordel. Il y a des mecs qui sont payés toute la journée, ils font ça et Jacques Martin, c'est des documentalistes. Ouais, je me souviens mon père, il avait une caméra à l'époque, c'était la caméra top du top pour les vacances, le truc il faisait 100 kilos. La Super 8, non. Non mais au-delà, c'est une cassette VHS encore. Tu mettais c'était la cassette VHS dans la caméra, mais tu vois déjà la taille de la cassette VHS, hein. C'est déjà plus grand qu'une caméra aujourd'hui hein, juste la cassette, et tu l'avais sur le dos, mais tu sais t'avais l'impression d'être à la télé quoi, t'avais le truc, t'avais la caméra qui se déposait sur l'épaule, tu tenais avec la main et tu sais tu filmais, mais c'était ça pesait une tonne. Et c'est pour ça que la qualité des films de boules de l'époque ils sont pas aussi Ah ben quand tu regardes les films de boules de l'époque oui tu vois que tu sens qu'ils ont un matos très lourd dans le dos. Ah tu vois, et c'est ça. Mais ouais. Regarde les films de Brigitte Lahaie hein, ça remonte à l'époque hein. Ah bah c'est ça en fait hein. Mais ce que je trouve triste moi avec la nouvelle technologie, c'est par exemple avec les photos aujourd'hui, même si on a le iPhone ou les appareils numériques, c'est l'enfer. Non mais parce que tu vas plus les faire développer. Donc ouais, t'as plus rien. Si, moi ça m'arrive, moi j'en sélectionne vraiment celles que je veux, et puis après tu attends et tu pars dans ta station aussi chez toi pour les développer hein, tu sais les trucs numériques là. Ouais. Non après moi je vais quand même encore chez le photographe parce que ça me saoule avec ce papier tout ça, je sais jamais lequel il faut, et moi j'aime bien avoir le vrai. Moi j'adore les photomatons. La vraie photo. Oh ça c'est nul. Ah non, c'est génial. Tu veux pas encore un Polaroid aussi? Bah oui, bah je rêve d'en avoir un, je l'avais commandé un pour Noël l'année dernière, je l'ai jamais eu d'ailleurs. Ça m'étonne, même le Père Noël il en a plus. Je vais l'appeler cette année le Père Noël, on va venir me voir. Oh là là là là, un Polaroid, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec un Polaroid? Un Polaroid, c'est génial. Un Polaroid. Un peu là. Non mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Mais rien, c'est génial. Après tu colles des photos. Ah oui, c'est génial de faire une photo. Si tu la rates, bah t'as flingué un papier. C'est clair. Oui, mais c'est plus le principe. Moi, je suis très vintage, tu sais. Mais c'est pour ça aujourd'hui, c'est nul. Tout le monde s'improvise photographe. Et bah y en a qui arrivent très bien. Oui, bien sûr. Comme la sœur de Pierre, qui est une très grande photographe. D'ailleurs, si vous allez voir ses photos, on peut donner le nom sur son Facebook. Ah non, laissez-la tranquille, elle est torturée. Oui, mais bon, elle fait des photos, mais magnifiques. On l'embrasse. On l'embrasse. Ouais, elle est bonne hein, ta sœur. Non, elle arrive à prendre des effets des alors, moments de vie, c'est un truc de fou. Parce que tu touches à ma sœur. Alors là, tu la touches, mais c'est 10 balles. Des moments de vie, ouais, c'est ça. Ouais. Non, des très beaux moments de vie, elle arrive à arrêter le temps comme ça et ouais, faire ressortir général, des. C'est oui, mais elle photo, le fait très bien. Non, mais que. Mais tu veux te taper sa sœur ou quoi? Dites-moi, c'est quoi son prénom? Michel Douglas. C'est dur, Michel. Michel pour une femme, c'est pas terrible. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'elle a décidé de s'appeler Caroline après. Michel, tu vas appeler ton fils Marcel, toi. Je connais une femme, elle s'appelle Stéphane. Stéphane. T'es sûr que c'est une femme? Ouais, non, sérieux. Mais attends, non, mais depuis toujours, c'est. Ça, ouais, c'est son vrai prénom, sa carte d'identité, il y a marqué Stéphane. Non, ouais, d'accord, mais peut-être qu'elle a changé de sexe il y a pas longtemps, tu vois. Il y a bien des mecs qui s'appellent Cécile. Sans eux, Cécile B2000. Et même un mec qui s'appelle Rachel, je connais. Ça, c'est ouais, dur, on la connaît, nous aussi. Non, mais ça encore, ça peut passer. Non, mais ça peut passer parce que tu te dis, une meuf qui s'appelle Jean-Claude, par exemple, ça, c'est improbable, tu vois. Vraiment, ouais. Un prénom vraiment masculin, quoi. Jean-Philippe. Jeanne Claudine. Ouais. Horreur. Ou alors que René, des Fred et tout, ça passe. Ouais, c'est kitsch à mort, mais. Ouais, bon. C'est très dur, ouais. Camille, Dominique, c'est masculin Joël. Aussi. Camille, c'est Camille, trop beau pour un mec Camille. Camille, c'est les deux, ouais. Ouais, mais c'est pas terrible, hein. Ah non, c'est mignon. Non, mais t'imagines, oui, prends-moi Camille. Pour une meuf, c'est dur. Ouais, c'est bizarre. Surtout si la meuf, elle s'appelle Camille aussi. Ça dépend, t'es un mec. Camille. À toi, Camille. Surtout s'il a un catogan. Pourquoi un catogan? Ah, c'est catogan déjà. Catogan. Ouais. Non, un catogan. Ouais, c'est un banc catholique, je sais pas. C'est, quoi. C'est ça. Ouais. Ah, vous êtes là, on peut appeler Elisabeth peut-être. Ouais, bah écoute, on va l'appeler. Mais avant ça, on va prendre Sandra qui est avec nous, qui nous a appelé. Salut Sandra. Bonjour. Comment Salut, ça va Sandra. Ça va. Bon, bienvenue à toi Sandra. Tu nous as appelé pour choper les places pour aller écouter en exclu total avec Jen Ali le nouvel album de Jen Ali. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Eh ben, c'est gagné. Ah, merci! Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Non, arrête, là, c'est naze. C'est naze. Il a envie de me gifler ce soir. Oh là là, c'est entre les dédicaces du corps et nos applaudissements, les années 80 sont de retour. Ah ouais, bah putain, même encore au-delà des années 80. Hein. Ah. C'est bien Sandra, tu l'as mis bien ferme. On a même de l'écho. On a même de l'écho là, dis donc. Bon, Sandra, bravo à toi en tout cas. Les places donc pour Jen Ali, c'est pour toi. Je te fais des gros bisous. Merci à vous aussi. Salut à toi, Sandra, à bientôt. Au revoir. Salut. Ciao. Je me demande un S. Est-ce que vous prendriez, vous, un tracker pour votre chien? Ouais. Non, mais pour mon mec, ouais. Ouais, pour ma femme, ouais, c'est ce que j'allais dire, direct. Ah ouais. Oh, ouais. Moi, je lui mettrais une puce à mon mari. Comme on fait avec les bébés. Ah ouais. Non, mais pour ma chère, c'est débile, tu vas pas dépenser de l'argent. Déjà que ça coûte cher, ça canigou. Mais des fois, canigou, les chiens, c'est aussi important qu'un enfant chez certaines personnes. Moi, mon chien, je l'aime. Bon, de là, lui mettre une puce ou un. Lui faire un Twitter, non, mais après il y a des gens qui ne vivent que pour non, mais, je te confirme, moi je connais quelqu'un, leur chien s'est fait écraser mais il est pas mort, donc du coup ils ont dû l'emmener chez le vétérinaire, ils ont dû l'opérer, tout le bordel, et en fait apparemment il a besoin de soins tous les jours. Oh. Il a déjà dû aller se faire opérer, on lui a fait des points de suture, on lui a mis des broches à sa patte, que c'est dur, et puis dans une semaine ils doivent aller enlever les points de suture. Il est sous respirateur là, tu vois. Non, mais attends, il a dû rester 2 jours à l'hôpital pour animaux, c'est dingue. Et donc et là donc ils doivent se faire enlever les points de suture, et puis après ils doivent retourner encore pour le faire enlever la broche. Mais à chaque fois ça coûte une blinde. Ah, mais c'est là que le mec qui devait l'opérer, ce gourre, il lui fait deux nichons. Truc absurde. Ah, mais c'est ouf de dépenser autant d'argent. Ça reste un animal, quoi, tu vois. C'est pas. Mais oui, ça il bah, greffe un visage d'homme. Je vais raconter le coup de... Et ma grand-mère qui était pas super aisée, hein, elle a réussi quand même à payer 10 000 euros pour son chat, parce qu'il avait du coup à la fin des broches dans tout le cul, c'était Robocop à la fin là. Putain, laisse tomber quoi. Et il y a plein de vieux comme ça qui se ruinent pour leur. Mais non, mais tu vois, moi je vois parfois, j'avais été bouffé avec Polo un midi, et tu voyais la bonne femme, elle était en train de bouffer son steak, et puis tu sais, elle donnait du bon steak quoi au chien. Et tu dis merde, t'as des gens, je suis sûr, tu vas avoir des clochards qui vont passer, qui vont lui demander quelque chose, elle va dire ah non. Mais par contre, elle va donner la viande à son putain de chien là. Et ah, pourquoi non, ceux qui lèguent leur fortune à leur. Franchement, ils ont bien fait de partir ceux-là. Putain, le chien, il se retrouve. Les milliardaires. Mais dernièrement, j'ai vu ça sur. Et bien prétentieux, du coup, le chien. Mais tu vois, la mère, des fois, je laisse la fenêtre ouverte, ferme, ils vont avoir froid, les chiens. Tu vois, elle pense au chien. Elle me dit, chut, ils dorment. Tu sais pourquoi? C'est parce que tous les enfants sont partis de la maison. Du coup, c'est le seul lien qu'elle peut avoir encore avec, entre guillemets, des enfants, tu vois. Parce que alors ça que devient... s'il avait le choix, le chien, il serait cassé aussi. Tu rigoles, mes chiens, c'est des papes. C'est le plus heureux du monde. Non, mais tu sais, c'est comme les chiens qui font la loi. Les chiens ou le chat, ils font la loi. C'est les mecs sont là, ils disent ah ouais non mais bah le chat il a décidé. Je dis mais attends, mais le chat il va pas rester sur la table. C'est clair. Ah bah si, c'est lui qui décide. Enfin, il s'est mis là, alors à chaque fois, si on l'enlève de la table, il revient, donc finalement on le laisse là. Bah oui, bah vas-y, mais fous-lui. Tu vois, j'arrive, je le tape le chat quoi. Enfin je le tape, je le fous dehors, je le fous par terre. Bien moi sûr. Mon chien, c'était lui qui faisait la loi, c'est-à-dire qu'il était bon, c'était un bosseron de 95 kilos, donc il était sur mon lit. Il s'appelait Ben. Je disais Ben, tire-toi. Il dit comme ça. je vais penser mon reste. Mais du coup, je dormais au coin de mon lit parce que j'avais trop peur de lui. Non, et un jour, il a bouffé mon petit frère et hélas, on l'a fait piquer. Non, mais quand tu crains un de tes animaux de compagnie, non, mais c'est oui, très parce bien. Qu'il avait pris le dessus. En fait, il pensait que j'étais sa femme. C'était trop bizarre. Dès qu'un mec s'approchait c'est de moi, il faisait comme ça. Non, mais t'as c'est mis du Nutella sur ta moule, non? À mon anniversaire, il y avait tout le monde. Du pâle. Un os à moelle, dégueu. Mais c'est ça. Il avait pris le dessus sur moi et sur les autres membres de ma famille. Et c'était horrible parce que je lui disais, tire-toi, il disait. Oh, c'est comme les gens qui prennent comme animal de compagnie les lions, les crocodiles. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui prennent des femmes. Pierre, hein, un anaconda. Ah putain. Non mais attends, mais cela dit, les chiens, oui. Ouais, j'ai ri, ouais. Non mais les chiens, ouais, mais moi c'était pareil. Ma chienne, c'était genre, je voulais t'aimer le film. La mère, elle fait, bah laisse la place à Capi, elle s'appelait. Laisse la place à Capi. Mais je fais quoi? Elle fait, laisse la place à Capi. Elle est fatiguée. Elle regarde 30 millions d'amis, laisse-la tranquille. Je fais, mais c'est une vanne ou pas? Et je t'aimais le film, s'il te plaît, par terre, pendant que la clébarde, elle ronflait, sans qu'on aille avec ma rhum. Mon père, il se tapait une chaise, et moi, par terre, comme as. Et tu te retournais au bout d'une demi-heure, et tu dis, mais c'est un problème quand même, on est d'accord. Famille, là ouais, quel tu monde. Dis, c'est un problème, maman, quand même, sans déconner. Avoue que c'est un problème. Un chien, non, elle est fatiguée. ou quand il reste, genre, on se fait un poulet, oh, et il reste une cuisse. Je peux la manger? Non. Non, t'as assez mangé, on la laisse au chien. Oui. Je dis, maman, non, tu te vois, t'es un peu bouffi là. Tu laisses aux chiens, ils ont rien mangé de la journée. Mais pour de bon, du coup, je me mets à terre, je me transforme en chien et tout pour récupérer les miettes. Moi, c'était ça pareil, mais avec le foie gras. Et véridique à Noël. Mais non. Elle fait, j'ai fait, oh putain, le foie gras. Elle fait, arrête, ça va faire, tu vas avoir une crise de foie et tout. Je fais, non, non. Elle fait, non. Elle prenait, elle tartinait, en fourme, elle a clé. Non, en que en fourme, que dalle. Ah, moi, merde, elle, Capi, l'autre, elle arrive. Clé barre de 25 cm de haut là. Oh, elle c'est en bordel. Tiens, et l'autre qui était là. Et genre, en plus, elle te jette un petit regard, la chienne, quand même. Si je l'ai bien niqué, fumier, quoi. Ouais, c'est t'en ça. Voulais, hein, tu voulais, en tu voulais, hein, mais c'est tu ça. Mais tu sais qu'ils sont pas cons, les chiens. Des mais fois, ils ont des réactions, mais ils de malade. Qui sont en train de te baiser, là, justement. Bon, on prend Elisabeth dans un petit instant. On se met d'abord le son de Martha Solveig maintenant avec Hello. Et puis, on revient juste après. On reparlera peut-être des chiens aussi encore avec quelques petites histoires. Si jamais vous en avez, 01 55 64 13 24. Gaume Radio, 20h, 23h tous les soirs avec dans une demi-heure, même pas maintenant, le Corsica Chaud qui va débarquer comme tous les soirs. Et nous avons maintenant Elisabeth. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment bonsoir. Ça va Elisabeth? Hello Elisabeth. J'espère que vous avez passé tous un très bon week-end, que notre petit Robinson est de retour. Non, il est toujours à Cuba, on t'a dit. Je suis toujours à Cuba, voilà. Elisabeth, là. J'ai dit que j'étais parti... Ben non, mais j'étais aux Bahamas. Ben regarde sur une carte, tu vas voir que c'est pas loin. J'étais aux Bahamas jeudi et vendredi, et puis après j'ai pris le bateau samedi, le bateau, et depuis ouais, dimanche. Ton petit radeau à rame, là. Bah non, j'ai pris un bateau, Elisabeth. Mais non. Bon, bah d'accord, ok, je suis pas à Cuba, si, d'accord. Si, je te crois. Ah, tu vois que si, tu me crois. C'est bien. Ben si, je te crois. Et bah t'es vraiment très conne. Attends, mais attends. Dis-moi, est-ce que t'as joué à Euromillion? Ouais. Mais attends, comment tu peux jouer à Euromillion en étant sur un bateau? Par internet. Mais j'étais pas sur un bateau. J'ai joué, j'ai pas joué vendredi. Et vendredi, j'étais pas sur un bateau. J'ai pris le bateau samedi. Mais attends. Attends. T'es parti samedi. Ouais, mais vendredi, t'as dit comme quoi vendredi déjà t'étais au Bahamas. Ouais, et ben au Bahamas, il y a internet. Ah, allô. Ah, là, c'est plus quoi répondre. Tu es toujours là ou pas? Ou tu es parti? Robinson Crusoe, toi. D'accord, si tu veux. Si tu es contente. Ouais, ouais, si, ça fait plaisir. Alors, moi, j'ai pas de problème avec ça. On a passé tous un très bon week-end. Bah, merci, et toi? J'espère que c'était bien aussi. Moi, j'ai fait des courses. Génial. Tu as toujours pas pensé à moi? Si, j'ai pensé à toi, le Corse. Et alors, il est où, mon colis? Bah, il arrive jeudi. Ah, c'est bien ça. Merci, Elisabeth. Très bien. Non, mais ta bouteille de whisky. Ah non, mais tu l'auras pas, hein. Moi je vais essayer de me démerder non, pour non, la récupérer, non, je la revendrai. Non. Si je vais la vendre. C'est pas ça, Michael. Mais je vais la vendre, attends, non. C'est normal. Bah. Tu as vu que c'est. Elisabeth, c'est dur. Hein. Je voulais que tu m'offres une bouteille de whisky, maintenant Michael il veut la prendre, la vendre. Mais, comment mais on va non, faire c'est pas non, mais possible, t'inquiète pas, t'inquiète pas, Elisabeth, il l'aura, le corps, sa bouteille. Hein. C'est juste que je vais lui vendre. Ouais. Et par contre, le corps, il va finir avec son saucisson. Dans le parce cul, alors. Parce que j'ai mis un saucisson à l'intérieur. Oh, de la bouteille, tu sais, ça va macérer le saucisson avec le whisky. Là, c'est que moi, je vais faire des colis pour tout le monde et chacun aura un colis semaine par semaine. Ouais, par contre, moi, il faut que tu me l'envoies à la Havane. Hein? Mais il faut que tu me l'envoies à la Havane. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Est-ce que tu nous as mis des gâteaux, des dinosaures et tout pour Emilio? Ben, le prochain paquet, je vais le faire. Je vais vous en mettre. Et je vais mettre même du spé. Spéculoos. Du PQ. Non, Spéculoos. La pâte à tartiner, là. Spéculoos. Ah ouais, c'est, oui, d'accord, ok. C'est l'horreur, ça, hein. C'est bon, plus, c'est ce qui est le plus sucré au monde. Ah ouais, oui, mais par contre, oui, mais c'est bon, hein. Là, donc, dimanche, elle est allée à la patinoire. Mm-hmm. Donc, ça s'est très bien passé, tout. Non, bah, tant mieux. Et par contre, alors, bon, vous savez que le secret souris, c'est fini. Oui. Ah bon? Ouais. Bah, bien sûr, ouais. C'est-à-dire, non, c'est bon, moi qui a gagné. Bien sûr, Michael, il est à Cuba, il peut pas savoir si c'est fini. Ouais, si je suis pas, moi. Si, j'ai vu sur Internet que c'était fini, tout ça, mais, alors, j'en sais pas plus, quoi. Par contre, donc, vendredi, qui arrive. Ouais. À 22h05. Il y a séduction qui épousera leur fils. Arrête, je suis ravie, Oui, pareil. Alors, c'est à quelle heure, Elisabeth? Hein? À quelle heure c'est? À 22h05. Ah. Alors, est-ce que vous avez vu un peu la gueule des mecs? Là, hein. Si on a vu quoi? La gueule des mecs qui vont c'est les petites annonces, c'est les petites annonces d'Eli. Il est pas tellement bien, il a 39 ans. Mais par contre, le plus beau, c'est Florent, c'est un Marseillais. Il a 25 ans, c'est un playboy. Il est horrible, le stripteaseur. C'est le stripteaseur. Non, il est beau quand même. Et puis il y a Benjamin aussi qui est beau. Elle aime ça, les kékés. Ouais, les kékettes. Ah oui, le gay, il est mignon. Mais par contre, Alexandre, alors là, il est vraiment horrible. Mais tu vas regarder cette émission? Et bien sûr, je vais la regarder. Bon, à voir à quoi ça ressemble et tout. Et puis donc, si jamais c'est bien, ben c'est bien. Ah oui, si jamais c'est bien, c'est bien. Elle est bien d'accord pour le coup. Moi, je préférais mieux vous le dire. Tu préfères mieux nous le dire? J'ai envie de te dire. Ah, nous le dire. L'aventurier de l'amour, là. Il était beau, lui. Ouais, mais il était un peu vénère, hein. Moi, c'était Greg le millionnaire. Oh, c'était un blaire, celui-là. Non, c'est un drogué, celui-là. Oh, non, mais c'était tout de suite. C'était un blaire avant tout. Ça fait de la prison. D'après Michael Vendetta. Quelle source fiable. Oh là là, là on est au top de la source. Par contre, moi j'avais une petite dédicace à faire. Oui, mais on n'est pas dans l'émission des dédicaces ici. Non, je sais, mais c'est par rapport à Tania IAA. Merci vraiment pour toutes ces dédicaces qu'elle fait pour moi et tout. J'envoie vraiment des très très très gros bijoux. T'es une star, Elisabeth. Ouais. Hein. Alors par contre, ouais, moi j'ai fait une chanson, Les Rois des Petits Cochons. Ah hein. Oh. Vous voulez l'écouter? Je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'elle aurait plus sa place dans le Corsi Cachot. Ouais, dans le Corsi Cachot, on peut la faire. Bah ouais. Par contre, le Corse. Et moi, ça fait un moment que tu m'as pas pris là encore, si cachot, toi. Tu sais pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai voulu appuyer sur la machine avec le doigt, mais le doigt, après, il a pas fonctionné. Et le truc, il s'est pas mis en route. Quelle improvisation. Ouais. Ah oui, Elisabeth, elle a vu aussi un truc là aussi, c'est-à-dire, sur le net, parce que, en cette veille d'Halloween, y a-t-il une vie après la mort? Bien sûr. Alors, ils disent comme quoi le bonheur proposé au bout du chemin n'est-il pas un étrange bonheur. Alors, si on admet l'étymologie du mot nirvana... Donc, t'es en train de le lire, Aldous. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai écrit. Faut que tu l'apprennes par cœur, bordel, là, c'est pas crédible. Ouais. Mais ils disent comme quoi... Donc, tu parles pas aux gens, là. Mais moi, je dis, on ne bouge plus, on ne pense plus, on n'aime plus, on n'a plus d'identité. Et alors, tu veux pas aller jeter un œil? Moi, je dis, je préfère mieux rester immortel, hein. Être Elisabeth, et pour nous tous, pareil... Qu'on soit immortel, qu'on... Tu voudrais pas t'arrêter quand même? Hein? Un jour, tu te dis, si t'étais Elisabeth toute ta vie, mais non, même pas toute ta vie, parce que là, c'est malheureusement, c'est bien parti pour. Mais dans l'éternité. Mais moi, j'ai vu un truc. Tu pourrais porter? Bah, bien sûr. Parce que moi, j'ai vu un truc à la télé, aux infos, des scientifiques américains, ils prennent des trucs d'ADN qu'ils mettent dans des cuves. Et donc, il garde des ADN pour que nous, après, on puisse renaître plus tard pareil. Oui, c'est ouais, la cryogénisation. Ah, cryogénisation. Ouais. Et par contre, aussi, j'ai vu la fin du monde dans 3,7 milliards d'années. Qu'est-ce qu'on en a à branler? On sera plus là. Après, les scientifiques et les cosmologues. Cosmologues. Elle a repris ses infos. C'est les cosmologues. Ouais, dans les cosmologues. Ouais, Mais alors, c'est quoi le cosmologue? Je sais pas. C'est ça le problème. Sur le truc des sciences, hein. Ouais. Et paraît-il comme quoi, sur la Lune, ils ont trouvé de l'eau, de l'or et du mercure. Hein. Et de l'essence aussi, c'est non? Non, non, non, ça pourrait intéresser Fredo, il n'y a pas l'air qu'il aille avec son scooter jusque là-bas. Il y a un tabac aussi, hein, sur la deuxième avenue. Hein, sur la droite, faut savoir ça. Non, mais j'ai vu ça sur le site de TF1, tu sais. Ah bah oui, alors, hein. Moi, je sais pas. Ah bah non, mais par contre, ah oui, ce week-end, malheur. Par exemple, comme quoi, Paris, maintenant, ils se mettent à la grève des poubelles. Ouais, c'est ce week-end surtout, on va changer l'heure. Si tu savais, à Marseille, il y a des rats qui se promènent et tout, c'est terrible. Et moi, c'est l'hécatombe. J'ai de la famille à Marseille, du côté, c'est-à-dire. Du côté Cécile? La mer. De la mer. Ouais, vers chez moi. La statue dénudée. David. Oh, il connaît le David. Il a la moule. La moule de Marseille, vers la plage. Oui, le David, la corniche. Ouais, la corniche. Et ben, j'ai une tante, elle habite derrière. J'ai une cousine qui s'appelle Émilie. Ah, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des liens, là, non? Ouais, mais moi, j'ai de la famille à Marseille. Hein. Mais justement, c'est ce que je dis, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des liens. Ouais, et puis, plus, ma mère, ce week-end, elle m'appelle, elle me dit... Dis donc, t'es un peu en train de raconter ta vie, quand même. J'ai de la famille en Belgique. Oh, merde, putain, il manque plus que ça, maintenant. Non, mais moi, c'est pas de ma faute, hein. Non, ben, j'ai compris, mais... C'est la famille, hein. J'ai compris. Alors, moi, maintenant, ce que je vais faire, ben, pour la famille, pour Noël, là, je suis en train de faire du petit ménage. Tous les trucs que je veux pas, ben, paf, c'est pour la famille. T'as raison, ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Des petits cadeaux inutiles. Mais par contre, pour mes amis, pour vous tous, c'est des cadeaux vraiment que je vais acheter. Bien sûr. Avec du pognon. Hein. Bien. Je suis en train de préparer une chanson pour le. T'as bien raison. Pour Noël. C'est vrai. Hein? Espèce de vieux Père Noël. Au lieu de que ce soit le petit Père Noël, petit Papa Noël, c'est espèce de vieux Père Noël. Ce sera parfait. Tu sais quoi? J'ai hâte de l'entendre. Ouais. Mais pour Noël, hein, pas avant Noël, hein. Tranquille. Hein. Ah, non, mais je peux vous faire déjà le début. Non. Ah non, bah attends, et Noël. Laisse, C'est pas Noël encore. Hein. Bah oui, c'est pas Noël. Ouais. C'est ça, c'est pas Noël. Mais ça sent Noël un peu quand même. Ouais, ça sent un peu, mais pas encore complètement. Donc ouais. Autant attendre les choses, c'est pas la peine de s'exciter, hein. Et comme ça, je vais vous envoyer des papillotes avec des pétards. Eh ben, faisons ça comme ça alors. C'est qui t'en veut? Émilie? Non, pas là, non. Non. Cécile? Non plus. Moi, j'en veux pas, non. Cécile? Non. J'en veux pas. Bon, Elisabeth, on va pas déranger plus longtemps, on te reprend le Corsica chaud. C'est sûr? Mais oui. Attention. À 80%. Attention, elle te menace, Mickaël. Hein. Ouais, bah c'est pas moi, en même temps, c'est le Corse animateur, pas moi. Hein. Ouais, c'est ça. Bisous à tous, à tout à l'heure. Bisous la princesse. Bisous. Salut. Ciao. Allez, nous allons pouvoir maintenant enchaîner avec le son de Sopra. C'est Hero maintenant sur Goom Radio. Et puis on aura un petit son rock de la cave aussi. American Hi-Fi avec Flavor of the Week. Tous les soirs entre 20h et 23h, vos messages qui arrivent en direct. Vous lâchez vos messages. On va récupérer Elisabeth aussi dans quelques instants. Et puis, ou dans quelques instants, le Corse. Hein, on va la récupérer parce qu'elle sera dans le Corse, c'est chaud. Donc rien, pas de quoi s'énerver. Bon, et puis on parlait des animaux de compagnie tout à l'heure. Là, on avait fait le tour de table là, pour savoir lequel était le plus chaud. Moi, je sais qu'il y a un truc, c'est au niveau des... j'ai eu ça à l'époque. C'est une meuf qui dormait avec son chat. Oh non. Quel non, mais les chiens et les chats, c'est fait pour dormir dans un panier. Mais ma mère, c'est vrai, c'est pas fait pour dormir dans un pieu, merde. Ouais, c'est et sachant que les chats ne dorment jamais dans leur panier, mais généralement... Et même pas, c'est même pas ça moi qui m'énerve dans les animaux, encore plus dans les chats là, c'est qu'ils font leurs griffes sur les trucs que t'achètes et c'est tout neuf. Ah bah oui. Et ils s'en branlent, ils te regardent. Ils s'en foutent grave. Mais oui, mais en même temps, mais attends, c'est pas leur faute. C'est la faute de leur maître. Bah oui. Parce que le chat, lui, il fait ses griffes. Évidemment qu'il doit faire ses griffes. Il va pas savoir. Il va pas faire la différence. Un truc cher, un mur, un arbre, il a rien à foutre. Lui, il fait ses griffes. Donc c'est normal. C'est pas de leur faute au chat, là, pour le coup. Hein. Non, mais si tu lui dis c'est non, deux fois, trois fois. Et le dos, il revient. Et non, il mais revient, oui, mais attends, mais ça reste un animal. Mais Michael doit comprendre. Michael, il a raison. C'est le maître. Mais bien sûr, j'ai raison. Moi, je me rappelle, j'ai ma tante, qui, carrément, le chien mangeait à table avec les autres. Oh, c'est dur. Comment un chien mange à table, mec? Mais il avait des bras et des pieds. Hein. Il se mettait sur la table pendant que tu mangeais. Il avait sa gamelle sur la table. Mais moi, je connaissais une. Et, mon père, il pétait un câble à chaque fois qu'on montait. Il prenait le chien à coup de pied. Oui, il faisait voler. Mais qu'il mange pas à table, sinon le chien. Surtout que ça rote un chien. Ah ouais, ça rote, ça pète. Et avec la langue. Moi, je connaissais une femme. Elle était mais folle de son chien. Et cet été encore d'ailleurs à Porto-Vec. Et cet été. Ah, où ça? À Porto-Vec. Oh, elle s'y met aussi. C'est dans le sud. J'ai toujours Porto-Vec. Dans le sud-est de la Corse. Non, il faut dire. Porto-Vec, d'accord, ok, ouais. Non, mais là, tu dis Porto-Vec. Porto-Vec. Porto-Vec. On dit Porto-Vec. Porto-Vec, sinon on mettrait pas un O. Ouais, donc à Porto-Vec. Et figure-toi qu'elle nourrissait son animal de compagnie avec la fourchette. Ouais. Parce que son chien ne mangeait pas autrement. C'est-à-dire qu'il se laissait mourir si sa maîtresse ne lui donnait pas à manger avec la fourchette. Mais c'est improbable. Et il faisait comme ça, le chien. J'avais envie d'arriver par derrière et lui mettre trois claques. C'est grave, ça. Mais le pire, c'est que tu as les maîtresses qui se... Quand elles ont pas d'hommes ni rien, elles se servent de leurs animaux. Alors après, je sais pas, parce que c'était une femme très gentille et très belle, donc je pense qu'elle avait des hommes dans sa vie, mais elle avait un amour pour son chien démesuré. Ben et ouais. Ça donnait ça. C'est très très dur. Hein. Ouais, c'est dur. Elle devait tailler des pipes à son chien. Après, je vais te dire. Oh, merci. Ça ira. Mais l'autre, il est chaud quand même. Ça ira. Moi, j'ai beaucoup aimé mes chiens. Plus jamais, ça. Ouais, c'est vrai. T'aimais bien leur rouge à lèvres, non? Non, j'aimais vraiment mes chiens. J'ai fait des petites dépressions. Mais ma mère, elle me donnait de l'exomil quand mon chien est mort parce que c'était horrible. Mais de là à donner à manger à la fourchette à mon chien, non, je pourrais pas. Non, puis surtout que ça se fait pas à la fourchette, quoi. Là, tu prends une cuillère, hein, tu peux le blesser quelque chose. Mais je peux comprendre que les chiens, ça prenne une place énorme. Hein. Moi, je sais que mes chiens, c'est pas ma vie, mais je les aime trop. Quoi. Tu sais comment ils s'appellent, Mickaël? Non. Charlie et Lulu. Oh, c'est kitsch. Mais du coup, c'est dur en prendre de ta personnalité. Mais c'est, je t'emmerde. C'est un complot familial en mais fait. Mais non, hein, mais c'est pas ça. C'est que j'en avais un qui s'appelait Charlie et après mon frère. En fait, les copines de mon frère offrent des chiens à mon frère et mon frère, quand il quitte la copine, rend les chiens à ma mère. C'est-à-dire que. Oh, il est énorme, mon frère, il est magique. Il est fou. Tu captes? J'ai bien compris, mais pourquoi l'appeler Charlie et Lulu? Non, parce qu'il en avait, appelé un Charlie. Ouais. Et après, l'autre chien qu'il a eu l'a appelé Lulu. Mais on devait pas les avoir les deux en même temps, les chiens. On devait en garder un. Et finalement, on a gardé les deux. Du coup, quand je me prenne dans la rue, je me tape trop la honte, Charlie et Lulu. Surtout qu'il y en a un noir et blanc. Charlie et Lulu, c'était quoi? C'est une machine. Ça brûle et l'eau ça mouille. Mmh. Ouais, c'est non, ça, ouais. Ça, bon, c'était, non, ça, c'était les nous, c'est nous. Oui, bah, enfin, c'était Charlie et Lulu. Non, mais nous c'est nous, c'était avec Jean du mais Jean Jardin. C'était Charlie, non, c'était Charlie et Lulu, ça brûle, ah, c'est oui. Charlie et Lulu ça. Eh oui. Hello. Ça mouille. Ils sont à deux là, ils se renvoyaient la balle. Dans les nous c'est nous, t'as Bruno Salmon. Parce que vous avez raison, d'accord, mais pas la peine de le rappeler comme ça quoi. D'accord, non mais c'est juste pour dire qu'on avait raison, que t'avais tort quoi. Oui, bon, ça va, très bien. Non, ils chantaient quoi les nous c'est nous? Je sais pas. Ça m'énerve là. Nous c'est nous, toi c'est toi. Je sais pas, j'en sais rien. Nous c'est vous. Nan, ouais, je m'appelle. Voilà, tout simplement ça. Parfait. Grand moment télé d'ailleurs. On est au top là, c'est surtout qu'il y avait Jean du Jardin. Et Bruno Salmon. Salomon. Voilà, exactement. Le cochon. Donc tout ça pour dire que des chiens et des chats n'ont rien à foutre dans un lit. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais c'est dégueulasse, c'est vrai, tu les sors dans la rue et après. Mais voilà, tu les sors, t'es encore les chats qui tu sais qui restent constamment à l'intérieur. Moi j'allais dire ils se salissent pas entre guillemets. Mais ouais, ceux qui vont dehors, non mais bien sûr, mais ceux qui vont dehors et tout, c'est pas ce qu'ils font, ils mettent leurs pattes, tu sais même pas où, enfin tu vois, c'est bizarre. Ah mais les chiennes, elles ont le droit de rester. Les vraies chiennes. Il est content, ça va, là. Il a fait une petite vanne, il est content, là, il est. Bah, moi, mais on suit pas, tu remarques? Non mais vraiment, moi si on me dit ok, t'as une chienne, moi je la prends. Hein. Et continue dans sa vanne. Hein. Non mais vas-y. Mais même si elle sent le chien mouillé. Mais qu'est-ce qu'on fait après de la chienne? Non mais une vraie chienne, une femme, je veux dire, pas un chien quoi. Mais est-ce que tu la sors, la chienne? Est-ce que quoi? Tu la sors. La chienne, une vraie chienne? Ouais. Une vraie chienne, bien sûr. Matin, si un chien. Soir. Tu la sors, non, une fois par jour. Je pourrais pas trop une la sortir. Une fois par jour. Quelle horreur. Putain. Ça a été dit en même temps, là, pour le quelle horreur. Hein. En même temps que Cécile. Ouais. En même temps, ouais. Merde, je décline. Ouais, tu vois, c'est dur. Mais t'inquiète pas, tu vas t'y faire. Je plaisante, Droupi. C'est vrai qu'elle a une tête de crabe. Mais toi, t'as une tête de verge, c'est rigolo. Bah, ouais, je préfère un tête de chien. Quand on te secoue, t'as le. Tout sort. Je vais frotter à ta jambe, tu vas voir. Pourquoi t'as une tête de chien comme ça? Parce que mon père, c'est Beethoven. C'est bon, ça. Donc, fallait bien. C'est bonne, putain. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, donc, on a parlé des chiens. Ça, c'est plié. Je pense qu'on a fait, le tour de la chose. On a fini les places aussi, pour, Genali. Et puis, il y a Polo qui vient de sortir du concert de Linkin Park. Il me dit, c'était énorme. J'en ai à foutre. Oh là là, et lui, il fait rien de sa vie, au concert. Il a rien à foutre. Ils l'ont laissé rentrer? Bah, attends, ouais, c'est pas étonnant. Toi qui lui donne les places? Bah, si, il m'a demandé. J'en ai filé. Bah, ça va. C'est plaisir. Bah, c'était les miennes. C'était les chiennes, ça veut dire que sinon tu serais allé et nous non. Ouais. Mais toi, aurais-tu, Mickaël? Bah, j'aurais dû aller avec la petite machine là et tout. Hein. Ah, je croyais que t'allais dire avec la petite blonde. Hein, parce que tu me regardais en même temps, j'étais trop contente. Mais bon, pour ça, il aurait fallu être en Europe là. J'allais pas faire le transport de Cuba jusqu'à Paris pour aller avoir un concert et puis repartir à Cuba quoi. Non, pour le coup, ça aurait été ridicule. Bah, ça aurait été ridicule, perte d'argent, pollution à cause des avions, tout ça, donc Ouais, tu as bien fait de rester à Cuba. Bah ouais, je crois aussi. C'est patriotique. Quoi que j'aurais pu prendre le jet privé de Trudeau, hein, c'est pas ça, mais C'est clair. Mais juste un truc, comment elles sont les cubaines? Bah ça dépend en fait, hein. Il y en a qui sont très jeunes. Bah c'est vous comme partout. Elles ont le Cuba. Mais non mais. c'est comme partout mais tu as des biens et t'as des moches. Ouais, tu as trouvé là ou pas? Tu t'es coincé une Ah non, non non non non. Mais non. Et son cœur est pris. Hein. Il est avec nous. Cécile et moi. Oui, d'accord. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, ça fait longtemps. Ah bah non. T'as vu, t'as beaucoup moins dragué. Je trouve que t'es moins beau. Eh bah tant mieux. Eh bah c'est parfait. Eh bah écoute, c'est quoi, je vais rester encore un petit peu. Tiens, Cuba, ça sera parfait comme ça, tiens. On sera au top du top. Bon allez, on s'envoie la pub dans un instant. Le son également de American Hi-Fi avec Flavor of the Week. Et puis bah juste derrière, il y aura le Corsica Show comme tous les soirs sur Goom. Tous les soirs entre 20h et 23h avec vos messages. Bon, et comme on n'est pas sûr de la prendre dans le Corsica Show, vite fait, Elisabeth. Elisabeth avec sa chanson, oui. Elisabeth. Moi, Elisabeth, j'adore le sexe, les lits bien durs et bien montantes avec du sperme. Hein? C'est dégueulasse. Attendez, je la recommence. Oui, bah, on a mal compris, effectivement. J'adore oui. le sexe, les lits bien durs et bien montantes avec du sperme bien velouté. Pierre, il est comment? Il aime le sexe, les bonnes petites chattes bien chaudes et quand elles mouillent. Ah. On aime nous deux les choses, les bien, choses bien, bien, bien, bien, bien. On est les deux rois des petits cochons. Rouanie, pourquoi je la répète? Non, c'est ouais, dégueulasse. Bah, c'est parce ça. Que, non, parce que ce qu'il y a, c'est que là, je viens d'avoir un message de Fredo. Il dit, putain, mon audience, Elisabeth. Ah, parce que Fredo t'écrit, alors? Ouais, et il a mis comme ça, putain, mon audience, Elisabeth, par pitié, et trois petits points. Donc là, il faut vraiment penser à l'audience de Fredo. Hein. J'émets certains doutes. Ah ouais, mais là, vraiment, ce qu'il y a, c'est que il faut de l'audience, il faut vraiment du oui, bon, allez, hop. Bon, ouais, Elisabeth, hop, dans le Corsica Show. Allez, au revoir, Elisabeth. Dans le Corsica Show. Et c'est parti pour le Corsica Show. C'est non dire tutti insieme forse un giorno di libertà. Le Corsica Show. Le Corse est sur Goom Radio. Le Corse est sur le Goom Radio, comme tous les soirs, du lundi au vendredi. Et ouais. Voilà, j'espère que votre week-end a été super. On va commencer par les messages du jour. Il y a Alexandra qui dit, Mayan, tu vas beaucoup nous manquer et on t'oubliera jamais. Alors, qui c'est cette Mayan? Parce que je vois plein de messages. Mayan, tu vas nous manquer. Mayan, qui c'est, Emily? Elle s'occupe de notre Facebook. Ah, d'accord. Du Facebook de Goom Radio. Elle est très mais gentille. Elle était là. Elle est chez elle, elle bosse chez elle et apparemment, elle est contrainte d'arrêter parce qu'elle a un autre travail. Un autre travail, d'accord. Ouais, parce que je voyais plein de messages, parce qu'il y a Marie aussi qui fait de gros bisous à Mayan. Elle va beaucoup me manquer. Merci et à elle d'avoir. Pourquoi tu fais des dédicaces? Comment est-ce possible de faire ça encore aujourd'hui? Ben, je sais pas. Je lis les messages qu'on laisse sur. Ah, enfin bon, c'est-à-dire que si on devait faire pareil, on passerait nos soirées. Ouais, bien sûr, non, c'est sûr. Et puis. Bien sûr, non, c'est sûr, mais tu le fais quand même. Bien sûr, non, c'est sûr. Non, je sais pas, Mayan, ça me paraît beaucoup de monde qui laisse ces messages-là, donc je voulais les passer à l'antenne puisqu'on me l'a demandé, puis je trouvais ça assez agréable. De soutenir une fille qui a beaucoup aidé, soi-disant. Soi-disant, oui, elle a beaucoup aidé. Non, elle a beaucoup aidé. Mayan, je sais pas, je la connais pas, c'est pour ça que je vous posais la question, les filles, en fait. Voilà, bah, tu la connais maintenant. Eh ben, Mayan, enchanté d'avoir fait ta connaissance. On va prendre René. René, bonsoir. Alors, ce week-end a été bon pas avec Mathéo? Quel week-end? Ben là, je sais pas, vendredi, on t'a eu, tu m'avais l'air un peu... Le week-end, gros connard. Tu m'avais l'air un peu l'air... tu m'avais pas l'air bien du tout. Quand j'étais entendu au secours, je me demandais ce qui t'arrivait. J'ai jamais la moquette, hein, je t'encule toujours, moi. Ah bon? Ah. Bien sûr que oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Mathéo, qu'est-ce qu'il est venu faire chez toi? Mais c'est qui, Mathéo? Je vois pas du tout. Attends, Mathéo, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, il y a René, là. Je sais pas, apparemment, il est devenu amnésique, et il se souvient plus de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? N'importe quoi, je t'encule, Mathéo, je t'encule! C'est facile, t'es par téléphone, je peux t'enculer quand même, hein! Ouais. Bah oui, c'est facile, mais nous, quand on était en direct, René, comment ça s'est passé? Il n'y a jamais eu de direct, vous êtes complètement con, vous vous enculez entre vous, quoi, les pédés, là! Non, je sais pas, René, il a des problèmes, il doit être un peu amnésique, donc. Ouais, je réitère, hein, je vous encule et puis c'est tout, hein, bande de gros cons, va. René, le week-end, vendredi prochain, je remonte avec d'autres amis, fais attention. Mais Mathéo, lubrifie-toi le sion, j'arrive, grosse pute. Ah, bon, Mathéo, ça m'aurait pas plu, hein. Je te l'ai dit. Ne t'inquiète pas. Oh, la seconde équipe, elle est prête, hein. Et René, là, on peut te dire, là, tu vas encore plus prendre. Allez vous faire enculer tous les deux, je t'ai eu au téléphone, tu disais au secours quoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais dit ça, au secours pour ton fion là. Non, d'accord. c'est pour ça. Enfin, quoi, il... tu as toujours cette gratuité, okay. Mais vendredi dernier, tu faisais pas le malin, hein, c'est ça qui est bon. Ok, je me mets en mode bouclé. Je t'encule. Bon, René, avant, on verra ça si tu nous encules toujours. Bon, Mathéo, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi? Tu es venu voir René, explique-nous un peu. Bah, figure-toi que René, on est arrivé chez lui, il a fait une seule erreur, c'est qu'il nous a ouvert. Ah. Il nous a ouvert, il a pas compris. 5 minutes après, il était à quatre pattes. Et alors, non. Je te laisse imaginer, hein. Non, ne me dis pas que vous lui avez fait du mal. Ah bah écoute, c'est ce qu'il voulait faire. Oh putain. Non, il lui en fait du bien. Ah, ils lui ont fait du bien. Oh punaise. Non, mais c'est dur. Mais enfin, comment, quel gars il a alors, ce René? Oh, figure-toi, Fred, il a proposé de nous faire des inflations, René. Oui, mais quel gars il a, à quoi il ressemble? Il est gof, oui, il est beau, il est moche. Et gof, voilà. Oh. Ah, il est moche. C'est pas une affaire, hein, ce René. Attends. Il est horrible. René, alors à ce qui paraît, tu as une sale gueule. René. Il a pas une sale gueule, il a une tête de monstre, il est affreux, il est. Oh. C'est pas possible. Oh. Hey, tu parles pas de la bonne personne, hein? Je comprends pourquoi il reste chez lui et il fait que téléphoner, il parle que par téléphone, j'ai compris, hein. Ah ouais, parce que la tête va avec la voix, non? Ah, mais vous voulez pas qu'il sorte, hein. C'est pas possible de voir des gens comme ça, je te le dis, hein. Bon, ben Mathéo, écoute, on verra bien ce qui s'est passé. Sinon, ton week-end s'est bien passé ou pas? Ah, le week-end, ça a été bien. Ouais, vous avez mis le compte à René, donc. Ah, mais c'est surtout là, après, on est redescendu, la première équipe a tout expliqué aux autres. Oh, la deuxième équipe, elle est prête à monter, ouais. Elle voulait qu'on monte jeudi, mais j'ai dit non, on n'est pas encore au week-end, vendredi soir, chez René encore. Ah ouais? Ben, on aura des nouvelles d'ici là, alors. Bah, tu verras, parce que là, en plus, on a les clés maintenant. Bon, mais Mathé, écoute, on te souhaite une bonne soirée, peut-être à vendredi, alors, hein? Ouais, bonne soirée, t'inquiète pas, vendredi avec la deuxième équipe, des gens que tu connais en plus. Donc, tu connaîtras l'équipe, on va s'occuper de René, hein. Ok, ciao, Mathé, bonne soirée. Allez, mazer à toutes. Bisous. On a monsieur, bonsoir. Non. Moi, il m'a manqué tout ce week-end, je l'ai pas eu entendu, donc je voulais monsieur un peu entendre sa sale voix. Welcome to Groom Radio, just it with Michael. Ouais, calme-toi, le corps. Le corps. Oui. Eh ben, j'ai bien cru que j'allais aller sur Sky. Ah bon, d'accord. Pourquoi faire? Eh ben, parce que là, j'ai vécu des trucs hallucinants. Hein. Des trucs hallucinants. Eh ben, je me suis retrouvé avec les disques à la demande. Ouais. Avec les dédicaces. Ouais. Et puis, bah, là, je me suis retrouvé, bah, dans Confession Intime. Ah, d'accord. c'est un remake de toutes ces émissions, en fait, le Corsica Show, non? Eh ben, c'est ça. Et puis, quand, tu sais, avant de parler de Mayanne comme ça, il faut se renseigner. Mayanne, c'est la garde rapprochée de la présidence. D'accord. C'est celle qui, gardait, donc, la présidence. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Le corps. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle a, la blonde? Oh, il me reconnaît à peine aux chutes, c'est dur quand même. Eh ben oui, mais à force de sucer le gag autant de fois par jour, ma fille. Ouais, t'aimerais bien, mon cochon, va. Eh ben ouais, avec tous tes plombages dedans, je les ai refaits. Ah, il me dégoûte. J'espère pas aujourd'hui, parce que là j'ai une haleine, écoute, mais je pense que si je te suce, le sgag, ouais, il tombe. Monsieur, elle a une haleine, mais horrible, j'ai l'impression de parler à son cul, là. Pour une fois, c'est pas toi. Oh, monsieur, c'est pas ce que vous avez raconté la dernière fois quand je vous embrassais, hein. Le corps. Oui, monsieur. Tout va bien. Bon, alors si tout va bien, je suis content, ça me fait beaucoup plaisir. Je veux dire, le loup est dans la bergerie ou pas? Tout va bien, alors c'est tout va bien. Monsieur est bilingue. Eh oui, monsieur, alors. Monsieur, il est venu faire un stage en Corse. Bon, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. On va prendre Gaspard vite fait, et puis on va rendre l'antenne pour vous retrouver mieux demain. Voilà, Gaspard. Oui, salut, vite fait la blague, vite fait la blague. Gaspard. Ah, oui. D'accord. Alors, c'est monsieur et madame Dalor qui ont un fils. Alors? Allez, c'est quoi? Homer Dalor. Gaspard, au top, toujours formidable. Je te dis à demain soir, on t'embrasse, Michael, c'est pour toi. Eh ben oui, c'est pour moi, oui. On va dire ça comme ça, effectivement, ouais. Bon, passez une bonne nuit, tout le monde. On se retrouve, demain, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Bisous. Ah, très bien. Bisous d'accord. À Rancard tous. Demain donc à partir de 20h. Allez, sur ce, je vais aller manger puisque je rappelle que je suis donc à Cuba sur la plage. Et on se quitte avec Swedish House Mafia maintenant. C'est Pharrell One.